Bonjour, vous êtes bien à Bulle de Rêve. Il y a encore un peu d'effervescence entre l'émission qui part, nous qui arrivons. Donc c'est bien Bulle de Rêve, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire. On est là. On n'est pas tout le temps là. On a eu quelques rendez-vous manqués, mais enfin on est là. Donc ça, je suis très content d'être avec vous. Je vais vous raconter un petit peu tout ce qu'on va voir dans l'émission. On va commencer par une parole de Jan Švankmajer, grand réalisateur tchèque. On lui demande, pouvez-vous nous parler du cinéma d'animation ? Et voilà sa réponse. Je ne me suis jamais considéré comme un cinéaste d'animation. Si je fais de l'animation, ce n'est pas par plaisir ou par amour de la technique d'animation, mais pour exprimer au mieux ce que je veux dire. Comme vous avez pu voir, j'anime dans mes films des objets réels, des éléments concrets que le spectateur connaît avant tout comme des objets utilitaires. Je leur donne un mouvement qu'ils n'ont pas dans la réalité. J'essaie ainsi d'annuler le rapport utilitaire à l'objet, de donner au spectateur une certaine incertitude dans leur relation aux objets. Je veux montrer que ces rapports peuvent être très différents, un peu comme dans les sociétés primitives où les objets n'avaient pas seulement un rôle utilitaire, mais aussi une fonction magique. Aujourd'hui, cette fonction s'est perdue. Les gens boivent dans des tasses en matière plastique produite par une machine quelconque, quelque part dans une usine. Les objets ne sont plus que des produits utilitaires. Le comportement des gens est devenu aussi utilitaire. Ce qui ne sert plus est jeté. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune communication entre les gens et les objets. Par le biais de l'animation, je vais forcer les gens à communiquer avec les objets. Pour moi, l'animation a avant tout un caractère subversif. Par contre, pour la majorité des réalisateurs de films animés, l'animation est une question de plaisir de jeu. Moi, je m'en sers pour des raisons idéologiques. Voilà, c'était Jan Švankmajer, je voulais dire juste ça parce que je trouvais intéressant par rapport à l'animation et par rapport à tout ce qu'on va dire aujourd'hui. On reçoit aujourd'hui, je suis très content pour la première fois à ce micro, on finira par celui qui est venu des tonnes et des tonnes de fois, mais pour la première fois à ce micro, Johanna Lurie, bonjour, réalisatrice qui va nous parler de son parcours et de son dernier film qui est sorti là il n'y a pas longtemps et qui est à Clermont-Ferrand, qui commence en février, bien fin janvier, début février, j'arrive jamais à me souvenir des dates. Dans deux semaines. De Clermont, ouais. C'est ça, donc on va parler de ça. Il y a Florentine Grelier. Bonjour. Que vous avez souvent entendu, Florentine, elle va m'aider, ça y est, elle a passé le cap et elle va m'aider en fait à justement être beaucoup plus présent dans ce studio pour nous parler d'animation. Une fois par mois. Une fois par mois, tout à fait, c'est elle qui va non seulement appeler les invités ou leur envoyer des mails pour leur dire oh, attention, il faudrait qu'ils viennent là, attention, etc. Et elle va nous faire une petite chronique qui manquait depuis des années dans cette émission qu'Olivier Catrin... Quand moi je suis arrivé, je le faisais aussi et que Olivier avait fait avec même l'émission d'avant, c'est-à-dire un petit panorama de l'animation. Est-ce qu'il ne faut pas manquer dans l'animation dans le mois qui vient, voilà un agenda. Et donc, merci beaucoup à elle de venir à bord parce que c'est très important. Le dernier invité. J'aurais dû le présenter en deuxième parce que c'est plus un invité que Florentine, mais il est tellement venu, il a même pas de micro tellement il a l'habitude de venir. Oui, bonsoir. C'est la belle voix de Yves que vous connaissez, image par image. Et voilà, je ne le présente même plus parce qu'il se présentera tranquillement. Non, on ne le présente même pas d'ailleurs. Il présentera le festival que vous connaissez de toute façon déjà tous, puisqu'il y a tous les ans, il vient. Et heureusement d'ailleurs, parce que on aime bien. Merci beaucoup. On aime bien ce qu'il fait. C'est toujours un plaisir. Et on a exceptionnellement une petite nouvelle, qui n'est pas du tout une petite nouvelle, que vous avez déjà entendue derrière ce micro, qui est Marine Blin, que vous avez entendue derrière ce micro parce qu'elle était. Bonjour. Marine. Bonjour. Elle était à l'ESAT à l'époque et maintenant elle est à l'EMCA. Ça tombe bien puisque Johanna a fait l'EMCA, donc comme ça on fera un parallèle entre les deux. Elle nous parlera un petit peu puisqu'on a la chance de la voir en studio. Elle nous parlera un petit peu. En attendant, on va écouter comme d'habitude avant de se mettre dans le bain et de parler un peu de toute cette riche actualité d'aujourd'hui. On va écouter mon coup de cœur de l'année dernière. Alors, faut aimer un peu l'électro, un peu barge, un peu japonais. C'est un groupe qui s'appelle Jeskia. Si j'ai bien noté, c'est la piste 7. Genre des Nicolas, mais hein, c'est bien noté. Ouais, j'ai bien fait mon boulot. Et on écoute ça et puis on revient après pour parler d'animation, bien évidemment. À tout de suite. Donc c'était Jeskia, G-E-S-K-I-A, un groupe, donc vous avez vu, un électrum un peu mélangé quand même, japonais. Donc c'est toujours Bulle de Rêve, bien sûr, sur Radio Libertaire. On va parler de cinéma d'animation, on va commencer, c'est ça, c'est pour ça que je mets un peu de musique pour le, vous savez, juste avant, te dire, la cuisine d'avant, alors c'est qui commence, c'est toi qui commence, dans cette voie. Voilà. Donc, le sort a dessiné Yves Bouvray pour nous parler d'Image par Image. Image par Image qui fête, c'est un chiffre important, le 10e anniversaire, c'est le 10e festival. Oui, ça oui. Fait quoi allez, la question bête quand on arrive au 10e, il en faut une toujours. Ça fait quoi? Est-ce que vraiment, quand tu avais commencé le premier festival, tu t'es dit, allez, là, il y en aura 10, maintenant il va y en avoir 20, non. 30, ça va devenir l'un des plus grands noms de festivals d'animation du monde? Oui, dire que. Aller déjà jusqu'au 10e, c'était bien. Et puis, après, tu dis que... Oui, en effet, c'est vrai, je me suis posé la question. 20, 30, plus, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que le 10e, ça donne envie d'établir des choses par rapport à toute la dimension d'expérimentation qu'on a faite sur ce festival depuis les débuts, quoi. Parce que chaque édition, on va dire, est différente. Parce que l'ossature, c'est à la fois les invités, les réalisateurs, les films... Et on a à cœur à chaque fois de travailler chaque programmation d'une manière différente, même si on le code génétique du festival, on va dire, c'est d'être sur la durée, de pas avoir de compétition, de pas avoir de prix, d'avoir une sélection qui de films qui nous plaisent, enfin voilà, et qu'on trouve vraiment pertinent et passionnant à montrer aux spectateurs. Vous connaissez tous, vous vous rappelez qu'il est très bavard. Voilà, c'est ça. Si vous m'entendez couper de temps à autre, voilà, ne croyez pas que je sois absolument mal poli. Je le suis peut-être, mais en tout cas, c'est pas une volonté. C'est juste que il faut à un moment donné que ça c'est dans mon code génétique à moi. Voilà, toi, je sais pas m'arrêter. Et moi, je suis bavard, Florentine est bavard. Il y a plein de bavards sur cette table, donc on va essayer de faire le mieux possible. Il y a quand même deux grands axes chaque année, je trouve, à Image par Image. Il y a les auteurs français, francophones, on va dire en grande majorité, et le Japon. Oui. On va dire qu'il y a vraiment ces deux grandes choses, parce que bientôt, le festival va, d'ici 10 ans, en effet, les seuls japonais que vous n'aurez pas pu inviter, et en compte, Takahata est venu, donc il y aurait quoi, Miyazaki, oui. Kansatoshi. Ça, c'est, j'aimerais beaucoup. Voilà, il y a quelques auteurs, mais quand même, sinon, une grande partie des grands auteurs japonais sont passés cette année. Yamamura est passé. Yuasa. Donc ça, Takahata, on va faire un petit coucou, allez, rapide, on va dire, parce que c'est quand même aussi grâce à une connexion entre toi et une personne, qui est Ilan. Oui, bien sûr. Qui fait beaucoup pour... Qui est absolument incontournable sur ses invitations. Ouais. Hein, donc c'est une vraie rencontre avec lui, entre toi et lui, parce que on aime beaucoup Ilan. C'est pas quelqu'un des fois de facile, hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, c'est un vrai travail de fidélité, c'est un vrai... on est tout à fait complémentaires, vraiment, et je crois que c'est en ce sens que le travail qu'on mène vraiment dans le cadre d'un grand respect, d'un grand partenariat et d'une amitié, et il faut faire un clin d'œil à Xavier Kawatopor, hein, grâce à qui j'ai pu rencontrer Ilan pour la fois où je suis allé au Japon, donc en 2005, pour lancer l'invitation à Yamamura et à Takahata, en effet. Bon, alors, la petite gentillesse sur Ilan, ça y est, c'est fait. Bravo, Ilan. De ma part aussi, sinon on n'a pas commencé comme ça. Alors maintenant, ça y est, le festival. Donc, 12 février, 6 mars, c'est un peu plus court que les années d'avant, non? C'est toujours, ça y est, tu commences à fatiguer. Ouais, ou... voilà, c'est ça. Voilà. Non, en fait, c'est-à-dire qu'on... c'est un peu plus court, mais en fait, on commence un peu plus tôt. D'accord. Avec des séances, des rencontres scolaires qui vont commencer dans la semaine. D'accord, ouais, okay. Tout à fait. Dans la semaine précédente, il y a des réalisateurs qui vont arriver dès le 9, dès le 10. On va faire des rencontres scolaires. Et en fait... L'an dernier, on avait fait l'ouverture, on avait fait un mardi soir, et là, comme on a envie de faire des ouvertures qui soient un peu plus encore pointues, entre guillemets, on veut les faire un vendredi soir pour avoir attiré et avoir le public aussi parisien. Et donc ça, c'est voilà. Mais sinon, on va quand même commencer à faire des choses dès le mercredi qui précède. Qu'est-ce qui décide de, je vais te laisser dire, qui a fait l'affiche cette année, parce que chaque année, c'est des créateurs, on va dire. Donc Yamamura est passé, en effet. J'ai plus de souvenirs. C'est vrai que La fiche de Que Diable Maman était tellement belle, mais je sais plus qui était l'année dernière déjà, rappelle-moi. Même lui s'en souvient pas. Oups, c'était la colle. Ouais, oui. Si, c'était Miyazaki. C'était Miyazaki, en fait. Alors, c'était, l'année dernière, c'était pas une création. En fait, non, voilà. On aurait bien voulu, hein. J'ai posé la question à Ilan, qui avait laissé un petit blanc sur cette question. Et Miyazaki par rapport à Miyazaki. Voulu, oui, non, non, mais en fait, on a pris un élément de décor très très beau de Ponyo sur la falaise. Et c'est vrai que ça fait depuis 2006, en fait, qu'on demande chaque année à un réalisateur. Donc, 2006, c'était Koji Yamamura. 2007, c'était Sébastien Lodenbach. 2008, c'était Yuasa. Donc 2009, Miyazaki, oui. De façon détournée, on va voilà, dire. Détournée, et mais donc voilà. 2010, c'est. C'est 2010, c'est Stéphanie Lansac et François Leroy. Alors. Et alors là, c'est, ça fait partie des changements, en fait, hein, de mettre plus à partir de cette 10e édition et sur les éditions suivantes, un focus sur les réalisateurs français et notamment les réalisateurs français de courts-métrages, les auteurs, dans le sens où. Le fait de demander la réalisation de l'affiche à un réalisateur japonais n'était pas forcément évidente pour être dans des délais de communication et d'anticipation par rapport au festival. Et l'idée, c'était vraiment là d'être sur à la fois un coup de cœur par rapport aux auteurs à qui on demandait et de demander de faire cette demande à des jeunes réalisateurs français. Alors, et je pense que c'est là-dessus qu'on va continuer les autres années. Puis ça se trouve je dis ça maintenant et dans l'année dans prochaine un an, si on ça propose Miyazaki ouais, en voilà. Effet il y aura pas forcément non ou Oga ou voilà, c'est ça. Des gens comme ça ouais il y aura pas de problème. Stéphanie Lansac et François Leroy, ceux qui ont réalisé. Alors, je sais pas si c'est bonsoir, monsieur Chou, bonjour. Voilà, c'est ça. C'est bonsoir, bonsoir ou bonjour bon, c'est bonsoir, monsieur Chou. Monsieur Chou, c'est ça. Et, hein. Voilà, et le dernier dont j'ai trop de mémoire, mais. Mailing, voilà, tout à fait. Donc, c'est un univers assez étrange. On n'est pas loin de l'Asie, on n'est pas au Japon. On est dans l'Asie, on est plutôt au Vietnam. Oui, hein, tout à fait. Je crois que c'est ça plutôt. Un agent pris en prise de vue réelle, donc, qui travaille. Un vrai mélange. Ils seront là. Oui, bien sûr. Ouais, ils seront là à l'ouverture parce qu'on va présenter leur film à la séance d'ouverture et aussi dans le cadre de rencontres et de masterclass qu'ils vont animer tous les deux auprès de lycéens, auprès du grand public dans le cadre de journées professionnelles sur 5 ou 6 rencontres. Donc ils s'investissent vraiment sur le festival au-delà de l'affiche. Alors moi je trouve ça très courageux. On va commencer par l'ouverture. 10e anniversaire, on peut dire tiens, il va mettre un gros film bien voilà et bien évident. Il va essayer d'avoir, je sais pas moi, Alice au pays des merveilles, Mr. Fox, enfin un des gros trucs qui sort. Il y a Mr. Fox. Il y a Mr. Fox, mais l'ouverture est réservée au court-métrage français. Je suis bien content. Donc studio très très connu maintenant en France et au collectif des producteurs. Ça c'est. C'est pas pour te dire encore plein de gentillesse, mais c'est vrai que c'est assez courageux. On aurait pu imaginer plutôt pour le 10e de faire juste l'événement festif, le dernier gros film d'animation qui sort, et puis où on sait que toutes les familles vont venir, les gens de la région ou du département vont être contents. Alors ça fait partie des expériences du festival, sur un festival qui démarre sur une programmation adulte, ou en tout cas où il y a que des adultes qui viennent. Comme alors même si l'an dernier l'ouverture c'était avec Brendan et Tom Moore la veille de la sortie. Il n'y avait que des adultes dans la salle. Là, l'idée à partir du 10e festival, c'est l'animation commence à être connue, reconnue, ton travail, le travail des réalisateurs français. Il y a une grande programmation adulte hein, ces dernières années. L'an dernier, on avait Tatia Rosenthal qui était sur le festival pour 9,99$. Avant était sorti Persepolis, il y a toute une programmation adulte et nous on a envie de dans le festival de mener une réflexion sur peut-être justement sans faire un plan quinquennal ou décennal sur les 10 prochaines éditions, simplifier peut-être aussi le festival dans sa visibilité parce qu'on a expérimenté toutes les salles du Val d'Oise, on connaît assez bien avec les collègues leur qualité et leur potentiel par rapport à l'organisation. Et on a une salle qui est vraiment pertinente pour faire toutes les ouvertures dans les années à venir. C'est le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Alors, c'est pas parce qu'il y a un lieu qu'on va faire ça comme ça. Il y a une qualité de travail de personnes. Il y a Benoît Guérineau, il y a le directeur Dominique Roland. On a vraiment une fidélité sur des partenariats. Et par rapport à l'animation, il y a 10 ans, l'animation française, on connaissait certains auteurs, Florence Miaille, Sébastien Odenbach, on connaissait les initiés. Oui, c'est ça, j'allais dire, parce que tu parles de long métrage depuis tout à l'heure. L'idée là, on connaissait Michel Osso, on connaissait bien. Oui, voilà. Là, l'idée, c'est d'amener un regard sur des producteurs, le collectif des producteurs, qui s'est réuni depuis 3 ans, qui a mené un travail pour faire reconnaître la dimension de la production française, qui était différente pour l'animation que pour la prise de vue réelle, et ils ont obtenu des avancées d'ailleurs dans les financements de la part du CNC et sur un certain point de vue qu'on a de l'animation de court-métrage. Le collectif il est composé de 15, de façon assez fluctuante parce que c'est un rendez-vous informel, de 15-20 producteurs d'animation française, et moi j'ai envie, dans le cadre du festival, d'ouvrir une sorte de collection sur toutes les ouvertures du festival autour de ce collectif. Moi, on a commencé donc sur Je suis bien content. Donc ça, c'est pour moi. C'est l'invité à 19h, c'est ça? Non, la séance, c'est quelle heure? 20h. C'est 20h, ouais, d'accord. C'est toute la soirée. On commence en fait sur deux programmations qui suivent. C'est ça, oui. Je suis bien content. 5 films en première, Je suis bien content de 5 auteurs différents, donc avec évidemment Mailing, pour ensuite continuer sur une programmation de 5 films avec une sorte de carte blanche à Marc Jousset. Juste, je suis bien content, excuse-moi, je te coupe, mais je suis bien content, tu peux rappeler rapidement ce qu'ils ont fait? Non, oui, rapidement ce qu'ils ont fait. C'est juste, c'est pas vraiment pour ils ont été producteurs exécutifs de Persepolis. Voilà, c'est pour ça, c'est pour donc, que ça dise aux gens quelque chose, pour qu'ils connaissent moins ça bien l'animation. Ça explique aussi d'aller vers cette genèse du long métrage, c'est-à-dire qu'avant le long métrage, il y a des auteurs de cours, en l'occurrence Vincent Paronneau, qui s'est associé à Marjane Satrapi pour faire ce long métrage brillant. Et tous les enjeux de la réussite de long métrage de ce type-là, c'est de conserver une dynamique, une fraîcheur, un savoir-faire qui sont dans les courts-métrages qu'on peut, et de garder une qualité artistique dans le dessin, et que il y ait pas de formatage dans le passage du long, avec des choix de producteurs qui vont faire qu'on va aller à l'économie, et qu'au bout du compte le long-métrage on sentira que il y a des faiblesses, il y a des soit dans la narration, soit dans la dimension artistique, soit dans l'animation. Et Persepolis en ça est vraiment brillant. Donc on veut revenir à cette genèse et faire découvrir ce travail de collection, comme dans la BD on voit qu'il y a l'association, on voit qu'il y a des éditeurs qui font un travail courageux, et mettre en perspective ce travail mené par des producteurs de cours qui ont des fidélités avec des auteurs d'année en année. Ah. Donc la première fois sera Je suis bien content. Après, et Je suis bien content. L'Arlequin. Avant de passer aux autres. Autour de Mimi, remarque, etc. C'est Je suis bien content. On produit l'une des séries les plus intéressantes françaises. Moi je connaissais peu. Vous allez voir où j'en viens, c'est assez fort. Qui s'appelle Lila Lili. Ah, oui, et Johanna, elle a travaillé sur Lila Lili, j'ai vu ça. C'est et donc elle a travaillé sur Ah, Je suis bien content. Alors. C'est vrai, voilà. Ouais, on est en direct, donc c'est un petit peu. C'est mon premier travail. Ah d'accord. Voilà, et voilà. Ça s'est bien passé, je suis bien content. Bah, ça, c'est oui. La question. Je ne peux pas dire le contraire. Non, ça s'est super bien passé, ouais. Non, ouais. Ça pourrait. On peut, même si c'est une bonne. Non, j'ai trouvé une ambiance là-bas en fait que j'ai pas retrouvée dans les autres studios où j'ai travaillé après. Je sais pas si c'est le nom du studio qui fait ça, mais une ambiance très musicale aussi et vraiment vivante. Et non, c'était vraiment un chouette studio. Ok. J'attends qu'une chose, c'est d'y remettre les pieds d'ailleurs. D'accord, ça c'est voilà. Pour le prochain court-métrage de Joël. Voilà, c'est passé. Donc elle sera là évidemment, il faut l'inviter à. Bah bien sûr, c'est déjà fait. À l'ouverture, bah ouais. Donc je suis bien content avec pas mal de films. Ensuite, carte blanche à Marc Jousset, donc par rapport au collectif ou toujours pas? Non, là c'est vraiment. Si, le collectif des producteurs. Marc Jousset qui a choisi. Dans le collectif des producteurs, voilà, dans chacun. On a échangé vraiment librement, comme ça, quand on préparait c'était il y a un peu plus de 6 mois, et puis il a évoqué des titres en disant, bah ouais, tiens, ça me plairait bien de montrer tel film. Donc il y a les 3 ours qui sont invités, mais voilà. C'est par où qui va être présenté? Mais bon, Florentine, parce que c'est le film de Florentine, c'est pour ça, mais il a été présenté lors du dernier, la table ronde à l'AFCA, donc faut quand même pas exagérer, Florentine. Elle a rien dit, je sais, mais quand même. Donc ça va être le film, le très joli film, comment il s'appelle ? Saison Mutante. Saison Mutante, merci. Qui va passer, qui est très joli, qui montre la diversité. D'ailleurs, c'est très intéressant, des Trois Ours, c'est de la volonté de Olivier Catrain, ouais. Hein, voilà, et Serge Elissalde et tous ses partenaires. Et Jimmy Audouin qui a travaillé il n'y a pas longtemps chez Je suis bien content. Tout à fait. Ensuite, on a les films du Nord. Tout avec à fait. Évidemment, il fallait de toute façon que ça soit. Oui, bah ouais, c'est vraiment un grand plaisir, quoi. C'est le film de Sébastien Lodenbach. Regardez Oana. Hein. Voilà. Ensuite, on a Logorama. Autour de minuit. Voilà. H5, Henri de Crécy et compagnie. On a les Cowboys n'ont pas peur de mourir. De l'Ardux. Voilà, de Pourquoi l'Ardux. Ils ont pas choisi du silence. Bon, je vais arrêter. Non, que j'aime beaucoup. En plus, j'aime beaucoup ces deux réalisateurs qui avaient fait La Saint-Festin, qui était très drôle et voilà donc. Et qui vont venir, qui seront présents aussi sur le festival. Et le dernier, c'est une proposition de notre part que connaissait pas Marc Jousset. C'est Je criais contre la vie ou pour elle. Je lis parce que je me souviens jamais de ce titre. Marine, vous avez peut-être entendu au loin. D'extase, c'est Marine qui n'avait pas parlé au départ, mais qui finalement, en effet, c'est un très beau film qui était assez étonnant à Annecy. Voilà. Et alors là, en plus, on aura la chance d'avoir Val Power, qui est la compositrice du film, qui va accompagner en direct le film. Donc, ça s'est déjà fait une fois, elle m'a dit que c'est assez impressionnant. Et voilà, à l'acide, ouais, voilà. Donc on a un partenariat avec l'ACID, l'Association du cinéma indépendant, pour sa diffusion. Et on est vraiment enchanté de pouvoir clore la séance sur ce film. Donc là, c'est vraiment une grosse séance d'ouverture. Et ça, c'est pour le côté français. On va revenir après sur d'autres choses en invité français. Mais l'autre gros événement, donc, c'est l'invité japonais. Il y a toujours l'invité japonais qui est important. Et donc cette année, c'est... Je te laisse c'est te prononcer. C'est Katabushi Sunao, voilà, de son prénom. Qui est donc réalisateur d'un film qui sort bientôt, qui s'appelle Mai Mai Miracle. Miracle. Mais non, c'est pas tellement... C'est moins joli. Hein, ouais, voilà. Et surtout, même si c'est un très joli film, un film vraiment plus rare qu'il faut absolument aller voir, qui s'appelle Princesse Arrêtée, qui est... très dur à avoir, qui est même très dur à télécharger, qui est absolument impossible à acheter quasiment en DVD, même au Japon en tout cas, c'est non sous-titré, il est édité mais non sous-titré, c'est quelque chose, donc il faut absolument se précipiter pour le voir parce qu'il passe, alors là, la dernière fois qu'il a dû passer en salle, bah, c'était au Forum des Images, pour Images du Japon déjà. Il est passé aux Rencontres internationales de Lille, il y a deux ans, ce qui est dépassé, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, Antoine, l'organisateur Manier, m'avait proposé l'invitation et en fait, bon, c'était hors cadre du festival, donc je voulais le faire et là, c'était pas possible. Donc là, voilà. Donc ça, c'est une grande invitation. Il sera là sur plusieurs. Il va être au Forum des Images aussi. Oui, il y a une carte blanche, qu'il faut absolument découvrir le mardi 9 février, parce qu'on monte une coproduction sur l'invitation avec Isabelle Vanini du Forum des Images, donc avec la carte blanche au Forum le 9 février au soir, où il va montrer à la fois des travaux plus personnels, des travaux de commande. Il travaille sur des séries, Sherlock Holmes, il a travaillé sur... c'est la deuxième partie du forum. Première partie, c'est des œuvres... Des choses qui l'ont inspiré. Ouais, voilà, des choses qui l'ont inspiré. Et c'est vraiment toujours des soirées assez formidables parce que ça permet d'avoir vraiment une vision et une découverte du réalisateur avec toutes ses influences et ce qui l'ont façonné dans... Alors après, c'est moins évident dans les travaux de commande, parce que c'est de la commande, donc évidemment. Mais enfin, voilà. Donc ça, c'est... Et après, on monte aussi ce partenariat avec le Festival Ciné Junior, qui se passe dans le Val-de-Marne. Alors, le Val-de-Marne, c'est au sud-est de Paris. Le Val-d'Oise, c'est au nord-ouest de Paris. Donc, okay. Je dis ça parce que... Moi, je suis déjà perdu, de toute façon. Souvent, il y a des collègues à Annecy qui me disent « Oui, alors toi, tu travailles dans le Val-de-Marne. » Et je lui ai dit « Non, non, dans le Val-d'Oise. » Mais il y a un très bon festival dans le Val-de-Marne qui s'appelle Ciné Junior. Exact. Et qui a une compétition et qui va avoir aussi des séances avec Katabushi. Donc il va être vraiment présent... Ouais, c'est vraiment partout. Ah oui, il vient une semaine qui va être très très chargée et qui va être passionnante. Et nous, évidemment, sur le week-end, les rencontres avec lui seront le 13 et le 14 février dans plusieurs salles du Val d'Oise. Mais ça, vous découvrez sur le programme. Donc, ça sera Argenteuil, Enghien-les-Bains et Pontoise, Saint-Ouen-l'Aubonne, pardon. Bon, à Utopia. Avant de finir sur Image par Image, on va faire une petite pause musicale et comme Florentine est arrivée sur le bateau Bulle de rêve, je me suis dit tiens, il fallait faire une programmation musicale spéciale Florentine. En fait, Florentine, faut le savoir, elle a 24 ans. Mais elle aime que les vieux trucs. J'ai un peu peur. Elle aime que les choses très anciennes. Donc en fait, on commence. Mais sauf que j'ai pas grand chose de choses anciennes. Donc on va commencer avec Hendrix. J'ai pris dans ce que moi j'ai, hein, dans ce que j'ai. Non, je reste dans du beau quand même, faut pas exagérer. On va commencer donc par Hendrix, mais Hendrix qui fait du blues. Une chanson qui s'appelle Bleeding Heart sur un CD un peu rare. Voilà, il fait. Vous allez entendre, c'est Hendrix de toute façon. Et donc, je pense que je l'ai bien noté, c'est la piste 8 d'Hendrix. Donc là, c'est bon. C'était Jimi Hendrix, donc ça se reconnaissait quand même, qui nous faisait du blues et Bleeding Heart. Donc toujours Bulle de rêve sur Radio Libertaire, l'émission 100% animation, il n'y a que ça. Est-ce qu'on préfère de l'image par image? Est-ce qu'on préfère de la parole par parole? C'est un concept sur lequel je vais réfléchir et puis on essaiera d'y penser. Du mot par mot, plutôt. Oui, mais il faut que ça fasse un mouvement dans le mot. On y réfléchit. Là, le mouvement est quand même très lent, mais c'est intéressant. Donc, vous avez entendu qu'il en parle un peu plus vite que ça. Oui. Et on va passer à la deuxième partie. Et là, tu vas nous présenter, évidemment. Alors, il y a toujours les séances de cours, évidemment, avec 6 histoires, pas à la gomme. J'ai noté ça. Oui. C'est quelque chose qui va sortir par la suite ou Pas du tout. C'est vraiment fait pour le festival. Vous avez noté ça. Oui. C'est un programme qu'on a déjà passé pendant la fête de l'animation. Et qu'on a monté avec des animateurs jeunes publics du Val d'Oise. On est allé à l'agence du court-métrage au mois de juin. Et parce qu'il y a un festival qui s'appelle le Festival Théâtral du Val-d'Oise qui nous a demandé de faire en fait un programme de films de marionnettes, parce que leur thématique en 2009 c'était la marionnette. Ils avaient une super expo de Craig, et donc on a fait cette programmation là. Elle a très très bien tourné au mois d'octobre pendant la fête, et hors de la fête il y a eu plus de 800 spectateurs. Et on s'est dit, vraiment, ce programme est vraiment chouette, parce que il est à la fois jeune public, mais pas que ça. Et on avait envie de faire une continuité et d'inviter certains réalisateurs pour venir, pas présenter l'intégralité de leur travail, mais après l'heure de projection de ces films, de parler de leur travail, de présenter les marionnettes, et puis de dire comment est-ce qu'ils avaient travaillé l'animation volume. Et donc on a la chance d'avoir Denis Valgenwitz, Sophie Rose pour Les Escargots de Joseph, et Claude Barras pour un film qui est sorti il y a quelques années, mais qui est vraiment extra, qui s'appelle Le génie de la boîte de ravioli. Que moi j'adore. Génie de la boîte de ravioli. Ouais, c'est un film sur l'utopie absolument extraordinaire. Mais ça, c'est dit comme ça, ça peut paraître un film, mais c'est un film aussi qui peut plaire à tout le monde. Hein. Oui, c'est le génie de la boîte de ravioli. Parce que dit sur. C'est un film sur l'utopie tout à fait extraordinaire. On se dit. Non, c'est juste un. Oui, voilà, ravioli. C'est un génie qui se réveille. Ouais, voilà, c'est très drôle. C'est très drôle, très simple. Yves, des fois, il parle comme vous savez, les résumés de Télérama. Ah, donc. Oui, merci. Non, je plaisante. Non, mais t'as raison. Non, c'est d'un seul coup des fois. Aussi, non, mais en plus, t'as raison. Une fois, j'ai parlé comme ça et je me suis fait engueuler par. J'avais parlé du film de Valérie Pierson il y a longtemps, de Pistache, et j'avais employé des grands mots. Je ne sais plus qui m'avait dit dans le film, m'avait fait ouais, mais enfin bon, tu racontes ça, mais en fait, on ne comprend rien à ce que tu dis. Donc maintenant, j'ai fait attention. Mais tu as raison, c'est tout à fait ça. Après, voilà, Marine me dit tu dis n'importe quoi. Après, je rougis dans le studio, vous ne me voyez pas, et je n'ose plus. Après, j'ai dit une bêtise. Ah là là, elle a bien fait de venir. Elle. Donc ensuite, nous avons cette séance de cours. Voilà. C'est quoi comme les six cours qu'il y a à l'intérieur? Il y a Six histoires à la gomme, qui est un film des films d'accord. Il y a. Je vais les oublier. Hein, mais oui, c'est pour ça. Mais t'as des papiers, c'est ça pour ça que. Ça fait tellement longtemps. Je me permets pas de te faire. Il y a Un amour de télé, donc voilà, Denis Valgenwitz, Les Escargots de Joseph de Sophie Rose, Le génie de la boîte de ravioli, Le trésor du tétard salé d'Amandine Fredon, qui était un film d'ailleurs qu'elle avait fait à La Poudrière, et là elle travaille sur Ariol, d'après ce que j'ai vu, et Le petit dragon de Bruno Collet. Et évidemment, parce que toutes les choses se passent bien dans cette émission et qu'on fait les choses super bien, sur Un amour de télé, qui a travaillé dessus pour faire les décors? Johanna. Non. Là, voilà. Je ne le savais pas du tout. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je me disais, mais c'est pas possible. C'est passer l'aspirateur dans les décors aussi. Ouais. Décidément, je regarde s'il y a d'autres choses après pour le reste. Ouais, ah, bah ouais. Si. On va aller jusqu'au bout de choses et puis après on reviendra de ça dans ton parcours. C'est incroyable parce que Johanna a tout fait par rapport à image par image. Faut que tu m'invites l'année prochaine. Faut que ça soit là. Non, parce que elle a fait donc la création des corps sur le film de Denis Valgenwitz, Un amour de télé. Elle a travaillé Je suis bien content. Et aussi, elle a travaillé un petit peu sur le tableau, le prochain normalement long métrage de Jean-François Leguini qui est le président d'honneur d'Image par Image. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Ça sera à l'ouverture. Ouais. Extra l'ouverture, donc voilà, donc elle va retrouver tout le monde, enfin c'est incroyable. Donc très bien, c'est formidable. Donc je pense que voilà, c'est une belle rencontre. C'est incontournable. Maintenant je pense que tu es obligé de venir à l'ouverture. J'ai l'impression. Voilà, ouais. C'est un autre programme. Non, avec grand plaisir. Ça c'est même toi mal. Qui vas être incontournable. Quand j'irai voilà, Johanna représente tout ce monde là en fait. Non, je suis un touriste. Parfait. si tu pourrais même demander qu'on passe une séance sur Skype. Enfin, ensuite les avant-premières évidemment, Kerity. Non, c'est plus l'avant-première, non, parce que je raconte. Non, c'est plus l'avant-première. Mais qu'est-ce que c'est je raconte, un film parce que qui est sorti vers Noël. Voilà. Non, il y a deux avant-premières qui sont Mr. Fox. Oui. De Wes Anderson. Ça fait partie de ces gens qui font de la prise de vue réelle et qui se lancent dans l'animation avec un film qui a l'air un peu barge et un peu bricole. C'est ouais, ce qui est plutôt pour nous plaire. C'est un très très beau film de cinéma. Et il a vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce qu'il pouvait pas faire, à mon avis, avec des positions de caméra, des travelling, des angles impossibles à faire en prise de vue réelle. Et là, il s'est vraiment fait plaisir sur l'animation. Ouais. Et bien sûr, comme il faut que tu montres tout, il y a le mieux, Mr. Fox, et il y a le pire, La Princesse et la Grenouille. Oui. Le dernier Disney. Ouais. C'est une obligation. Non, c'est pas du tout une obligation, mais La Princesse et la Grenouille, moi je l'ai vu, c'est vrai que c'est un film, t'es tenu par la main d'un bout à l'autre du film, la musique est extrêmement présente, les chansons, etc. Mais c'est un film que je trouve intéressant parce que bon, Disney renoue avec le dessin animé, il renoue plutôt de façon pas mal. Faut le dire. Moi, ça m'intéresse parce que dans le Val d'Oise, il y a vraiment plein de spectateurs de toutes origines. Oui, et parce qu'une fois, même si c'est un peu contesté, que on a des minorités visibles. Oui, parce que l'écran, l'héroïne est noire. Ouais, voilà. Mais elle se rend rapidement grenouille. Mais elle est noire. En tout cas, au début, un petit peu. Elle veut devenir cuisinière. Ouais, ah bah oui. Il y a une polémique aux États-Unis parce que, en effet, à l'origine, elle voulait, sa mère ou son père était fait homme de ménage, il y a une grosse polémique actuellement, que le prince est peau assez claire, etc. Mais quand même, il y a un effort, il n'y avait aucun scénariste noir sur le film, mais il y a quand même un effort de la part de Disney. Il faut se rappeler que quand le Roi Lion, par exemple, est sorti aux États-Unis... Le film le plus raciste qui existe, enfin, oui, j'exagère, mais en tout cas l'un des films, je vous rappelle que les hyènes, qui sont les méchantes, parce que ça, je rappelle à chaque fois, parce que beaucoup d'étudiants que je connais, le Roi Lion, c'est un peu une espèce de... C'est quand même le film de Disney qui a fait le plus d'argent, mais et les trois hyènes, donc la voix, donc qui sont les méchants, qui sont dans un coin, qui sont dans un ghetto. Aux États-Unis, ouais. Hein, une voix c'est Whoopi Goldberg qui est noire, une autre voix c'est Chiche Marine qui est quand même mexicain, et la dernière voix c'est un sourd-muet qui fait comme ça, qui fait des trucs comme ça. Donc voilà, c'est les trois voix quand même des hyènes qui sont les méchants. On peut dire que toutes les voix des méchants sont faites par des noirs, des minorités. Plus évidemment le méchant. La version originale américaine. Voilà, hein. Ben c'est ça. Et toutes les voix des. Ouais, il y a des sacrées questions qui se posent. Et le méchant dans le Roi Lion qui est quand même donc le méchant était un anglais puisque c'était Jeremy Irons qui le doublait aussi, donc quelque part il y avait vraiment tout le monde était en dehors des États-Unis. Puis bon, ouais, c'est quand même un truc bien pour eux. En tout cas, nous, c'est vrai que on fait cette programmation. C'est la première fois qu'on programme un Disney pour aussi. Dire qu'on est capable de programmer ça. Mais c'est très bien. Moi, je trouve que tu t'en débrouilles très bien. Il y a pas mal d'enfants qui vont se reconnaître dans ce film-là et qui vont aussi voir d'autres choses. Donc, c'est ça qui compte. Bien. Donc, La Princesse et la Grenouille, c'est fait. Ensuite, on a, comme d'habitude, présentation de longs et courts-métrages sortis pendant l'année, donc avec Eriti, mais là, j'ai vu qu'il y en avait pas mal d'autres. L'idée de repêcher aussi, Florentine me disait hier que Drôle de Grenier passe plus dans aucune salle. Heureusement qu'il y a des festivals qui le reprennent et qui aident les films qui restaient bon à peine. Il était sorti dans 3 salles à Paris, je crois. J'ai eu beaucoup de mal à le voir. Je l'ai vu à 16h dans un petit cinéma et... Enfin, et apparemment, ils ont fait un doublage, donc c'était censé être pour les enfants, mais les séances ne correspondaient pas bien. Enfin, j'ai pas trop compris la distribution. C'est vrai que ça permet de soutenir, parce qu'il y a des goûters au ciné. Et l'idée des goûters au ciné, sera moins sur La Princesse et la Grenouille. Elle sera plus sur Drôle de Grenier, Pierre et le Loup, sur des films qui ont pu sortir même il y a un an. Hein. Et l'idée, c'est de faire un travail de découverte et de goûter au ciné pour la première fois pour des enfants et des tout-petits sur des œuvres sur lesquelles d'ailleurs qu'on présente et sur lesquelles on peut discuter après. Keriti, d'ailleurs, on a la visite de Annick Leray qui va rencontrer le public, signer le livre, hein, puisque sur l'histoire originale qu'elle a écrite, qui a été retravaillée évidemment pour arriver à ce long métrage, mais qui sera là aussi sur des rencontres avec des enfants, des scolaires. Alors ça, c'est toute la partie qu'on voit pas de l'iceberg hein, dans le travail du festival, mais qui est quand même très très conséquente. Très bien. Il s'est arrêté d'un seul coup. C'est la première fois qu'il s'arrête d'un seul coup. Ça m'a surpris. Et on a dans le week-end de clôture un partenariat. Alors là, avec un festival que, évidemment, un but de rêve et que moi, j'aime particulièrement bien. Et puis, ça tombe bien puisque Florentine est là. Et, voilà, oui, parce que quand je vous dis que tout est lié, tout est vraiment lié avec le FICAM, qui est donc le Festival International du Cinéma d'Animation de Meknès au Maroc. On a eu Beyoud en interview. Enfin, il n'était pas présent, mais je l'avais interviewé quand j'avais été au festival. Et donc, il y a un rapprochement entre les festivals, ce qui est plutôt une bonne chose. Comment ça va se passer ce week-end de clôture? C'est un projet en fait qu'on a mis en place avec le cinéma Jacques Prévert à Gonesse, voilà. et qui est porté par la ville de Gonesse, par la ville de Villiers-le-Bel, et avec l'UFEJ, l'Union française du film pour l'enfance et la jeunesse. Et donc on a monté avec des collègues, Alain Quette, directeur de la salle, Elsa Matteux qui s'occupe du jeune public et du développement du public, et Mehdi Derfoufi, l'ancien délégué de l'UFEJ, et avec évidemment Mohamed Beyoud du côté marocain. Et l'idée, c'est que on voulait fêter ces 10 ans ensemble, hein, puisqu'on a tous les deux 10 puisque ans. Puisque le FICAM va avoir 10 ans aussi cette année, tout à fait. Et donc, mettre en place un atelier croisé avec des jeunes de 14-17 ans, qui est donc, et avec deux réalisateurs de chaque côté de la Méditerranée. Et on a la chance donc d'avoir un jeune réalisateur français qui s'appelle Samuel Lial, qui vient de faire son premier court-métrage qui s'appelle L'Oiseau, qui va aller en fait au Maroc réaliser avec le lycée Mouli Ismail un court-métrage sur le thème de la famille avec des élèves marocains. Et on a Amine Bekouri qui a réalisé les bandes annonces de Meknès, qui a réalisé un très beau clip sur Pat Schizo. Ouais, voilà, super. Donc j'ai tourné moi évidemment sur le. Bah moi aussi. Sur le groupe. Ouais. Et bah, je vous dirai tout à l'heure. Ouais. Et qui est en ce moment d'ailleurs en résidence à l'école Méliès d'Orly. Oui, tout à fait. Et qui va réaliser donc son film avec des jeunes de Gonesse et de Villiers-le-Bel. Et à la clôture, on va présenter les films réalisés, le clip de Amine Bekouri, L'Oiseau de Samuel Lial. Pardon. Le groupe c'est Oba Spirit, voilà. Pardon, excusez-moi. Et on aura un film coup de cœur que Mohamed Beyoud va venir nous apporter. Et évidemment, les films réalisés dans le cadre des ateliers scolaires ou hors scolaires du festival. Il sera là. Beyoud sera là pendant le festival ou... Je touche cette table en bois. Hein, d'accord. Mais oui, j'espère qu'il va venir. Donc normalement, début mars. Tout à fait. Et on aura donc cette séance qui va être vraiment assez sympa. Parce qu'elle, c'est en après-midi, hein, la clôture toujours. On est en après-midi avec deux temps. Ce premier temps qui sera consacré donc au jumelage avec Meknès, un grand goûter de clôture avec des bonbons, des gâteaux, un goûter spécial, voilà. Donc c'est le samedi 6 mars, voilà, à partir de 14h30 au cinéma Jacques Prévert. Et on a vraiment la grande chance d'avoir pour la dernière séance un ciné-conte avec un grand conteur africain qui s'appelle Makena Diop, qui avait arrêté, qui avait mis cette carrière de conteur entre parenthèses, et qui reprend exprès pour nous ses cinécontes. Cinécontes autour de programmation de courts-métrages, et là en l'occurrence africains. Donc il y a trois courts-métrages, et lui, il intervient accompagné de très grands musiciens africains, de joueurs de kora ou de balafon, qu'il raconte, c'est-à-dire qu'il lance la séance sous la forme d'un conte, en prenant les enfants pendant le goûter, en les amenant dans la salle tranquillement, et à chaque fin avant le début de chaque film et après la fin de chaque film, il tisse un lien de conteur pour faire une séance absolument unique d'une heure. Alors j'en parle avec chaleur parce que j'ai déjà eu la chance d'assister à deux ciné-contes, et c'est des temps de cinéma et d'écoute extraordinaires. Et donc c'est la séance avec où il y aura du Mustapha Alassane notamment, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah oui, donc en plus c'est découvrir des cinéastes africains qui sont pas toujours bien montrés, les grands classiques, hein, bien sûr, mais intéressant. Ouais. L'enfant terrible, qui est une sorte de pendant inverse de Kirikou, hein, une sorte d'enfant qui naît mais qui est foncièrement méchant. Enfin voilà, donc il y a, et puis le crapaud à la recherche de ses beaux-parents aussi, qui est un film vraiment sympa. Et donc il va tisser cette séance qui sera là. Donc ça c'est le 6 mars. Ouais. Donc ça c'est on peut, ça c'est une super séance. Enfin il y a plein de ça va être exceptionnel parce que ça va être le début d'une nouvelle tournée que va mettre en place Makena Diop dans les années à venir. Donc on a vraiment une chance énorme pour la clôture de ce 10e festival. Quand on tape il y a des choses qui fâchent. Je suis désolé, je vais revenir sur ces choses qui fâchent. C'est avec un tel programme, avec notamment ça, j'allais te dire, mais comment on fait pour réserver? Il faudrait que les gens se précipitent pour réserver. Enfin, cette séance-là, elle a l'air extraordinaire. Et quand on tape Festival Image par Image, oui, ils disent sur Internet, je sais qu'Internet, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Ouais. C'est peut-être aujourd'hui un peu dommage. Comment ça se passe? Oui, alors, c'est vrai que tu mets le doigt sur une problématique qu'il faut qu'on résolve. Non. En fait, c'est qu'on est le soutien indéfectible du festival, et sans qui le festival ne pourrait pas se faire, il faut le citer, hein, c'est le Conseil Général du Val-d'Oise, avec le soutien du ministère de la Culture par la DRAC Île-de-France, et évidemment le Conseil Régional d'Île-de-France, la région Île-de-France, qui soutient également le festival. Et c'est vrai que dans le cadre de soutien avec des... On a tout ce qui va être sur le festival et sur le site www.valdoise.fr. Donc ça, les informations sont en train d'y être mises. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est une sorte de un site internet de collectivité territoriale. Et donc il faut que les choses se mettent en place, etc. Mais cette année, on a un blog, voilà. Donc on a mis en plus, nouvelle, ça, qui vient d'être mis en ligne, donc qui est consultable dès maintenant. Alors c'est quoi? C'est le blog, c'est... Alors évidemment, ça y est, pas sur l'invitation là que tu nous as amené. Oui, alors ça y est, sur un autre document. C'est quand tape Festival Image par Image. Voilà. Alors c'est www.imageparimage.asso.st. Voilà. Ok, tu vas nous laisser. Et donc, d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Laura Gouget, qui était stagiaire à l'AFCA, et à Élodie Larivinet qui ont rejoint l'équipe depuis début décembre pour m'aider à organiser le festival, et Laura qui a fait le site internet. Voilà. D'accord. Et on aura aussi d'ailleurs le soutien de Sophie Hamon qui va rejoindre le festival là, dans les jours qui viennent. Donc, on sera une équipe de 4 en fait. Wow. Voilà, pour accompagner. Ça sera pas trop parce que c'est vrai que c'est énorme, sur 22 lieux dans le Val-d'Oise, on couvre vraiment l'intégralité du département sur une longue durée. Donc il faut vraiment y aller sur un rythme de marathonien. On va tout donner, le numéro de téléphone, on peut le donner. Oui, bien sûr. C'était, pour renseigner mon programme complet, là je vous laisse prendre de quoi noter. Voilà, un peu plus vite quand même. Là, c'est bon. Ok, donc vous avez pris, donc c'est bon. Alors téléphone 01 34 25 37 14 01 34 25 37 14 et ensuite les adresses internet, donc www, ça vous commencez à connaître, .valdoise valdoise.fr, et ensuite le blog www bien sûr, image par image comme c'est écrit, .asso.st. Donc le blog, ça c'est intéressant parce que vous pourrez avoir ensuite tout le programme, et puis surtout le numéro de téléphone, 01 34 25 37 14. Si vous n'avez pas internet, c'est quand même un festival. À chaque fois, s'il vient, à chaque fois, chaque année, c'est pas juste par gentillesse, c'est juste parce que c'est vrai que c'est un très très beau festival, et donc c'est important de le soutenir. Juste avant de terminer, avant de passer à Johanna, ça devient difficile de faire un festival? Je sais que c'est une question pour un directeur, on marche sur des œufs, et là dire bah oui, les municipalités donnent moins d'argent, c'est compliqué quand on sait qu'on est déjà sur un équilibre difficile. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué, moins compliqué, même un festival, pardon, d'animation, ouais, même aujourd'hui? Non, c'est-à-dire qu'il y a un lien de fidélité du Conseil Général du Val-d'Oise. C'est-à-dire que comme on est un événement qui est repéré, qui est structurant, on va dire, on va parler des termes un peu dans le réseau des cinémas du Val-d'Oise, autant pour les communes que pour le conseil général, le département, que au sein de la région, il y a une utilité de service public, on va dire, quelque part, et que cette utilité de service public fait que le festival va exister, va continuer à exister. Là, il y a quand même des inquiétudes, en effet, hein, sur la suppression de la taxe professionnelle, et donc sur le fait que, par exemple, le département du Val-d'Oise va avoir des recettes qui vont pas être les mêmes qu'avant. Et donc, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. En effet, il peut y avoir des inquiétudes. Mais c'est vrai que le festival, il est quand même soutenu de façon indéfectible. Il a vraiment une utilité sur le terrain. Il va vraiment au plus près des spectateurs, des jeunes spectateurs, des spectateurs adultes, des familles. qui réunit chaque année entre 10 et 15 000 spectateurs. Voilà. C'est un travail qui s'est mené dans le temps depuis 10 ans, pas sur de la communication à tout prix pour faire quelque chose de fulgurant qui ne dure pas, mais qui s'enracine vraiment petit à petit sur le travail de terrain et sur le travail de partenariat qu'on a avec toutes les salles du Val-d'Oise et toutes les villes. Et en ce sens-là, c'est pas un festival qui coûte cher. C'est le budget de l'association Écran VO avec les salariés, avec le festival compris, plus deux coordinations qu'on assure pour le département du Val-d'Oise, qui sont écoles et cinéma, où il y a 13 000 écoliers qui découvrent 3 films par an, et collège au cinéma, où il y a 11 000 collégiens qui découvrent 3 films par an, plus le travail de mise en réseau. C'est un budget de 140 000 euros, pas 240 000. J'aimerais bien, mais... En tout cas, 140 000 euros avec les salaires des collègues. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas cher du tout par rapport. Parce que ça développe en plus. Voilà. En effet, comme. Après, c'est sûr que la visibilité, comme tu dis, quand on ouvre, ça demande plus de visibilité, mais c'est quelque chose qui prend du temps. On va travailler en 2010 avec Laura et Elodie sur un site internet, et Sophie aussi d'ailleurs, qui sera plus visible sur Écran VO, sur le travail et le développement des spectateurs. Mais t'as raison, c'est vrai que c'est. Il y a toujours des inquiétudes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au bout de 10 ans, les municipalités, j'arrive à le dire, c'est à peu près bon. Tout le monde a compris l'utilité d'image par image, les salles aussi. Ouais, tout à fait. Donc on est. Ah ben, il y a une vraie envie. C'est-à-dire que il y a une vraie attente et qui est pas feinte. C'est-à-dire qui s'est vraiment développée avec le temps. C'est-à-dire que moi, ça aurait été bon dès la première année parce qu'on aurait mis des panneaux 4x3. Je me serais posé des questions parce que c'était quelque chose de. Là, on est dans le temps. C'est-à-dire qu'on est aussi sur un temps. Pourquoi est-ce qu'on fait 4 semaines? Parce qu'on est sur c'est un festival qui prend le temps de s'installer. On habite tous en région parisienne, hein, donc on sait que à peine quelque chose a démarré, que c'est quasiment déjà fini en une semaine. On n'a pas de compétition, donc on peut se payer ce luxe-là de ralentir le temps pour que les spectateurs viennent, profitent, reviennent. Et c'est pour ça qu'on fait cette clôture un samedi après-midi dans une salle au milieu d'une cité à Gonesse. C'est que tous les gens qui seront venus sur les 15 jours d'avance sur les goûters au ciné, on leur aura donné l'invitation de clôture. Et c'est une invitation familiale. Il y aura moins de discours, évidemment, à la clôture. Il y en aura sûrement. Mais les gens vont venir en famille, vont venir de Paris, parce qu'on a un partenariat avec Paris Môme, avec Milk, avec Animeland. Et donc, c'est quelque chose qui se fait naturellement et tranquillement. Alors, dernière... Et ça, c'est ce à quoi je crois vraiment. L'action culturelle. Le cinéma et toute action culturelle se fait dans le temps. Donc voilà. Et là, le festival arrive à une maturité de 10 ans. Il va aller vers autre chose. Et sur ce socle de 10 ans, on va faire d'autres choses. Voilà. Quasiment mission impossible pour toi. Dernière question à répondre en à peu près une minute, même pas. Oui, d'accord. Donc, oui, je sais, impossible. au niveau, en plus, tu vas avoir la question. Au niveau des médias, au niveau des gens d'animation, au niveau du milieu professionnel d'animation, au niveau des médias, donc répondre, je fais la même question, ça aurait pu être deux questions. Est-ce qu'aussi l'utilité image par image, ou en tout cas la volonté de venir à image par image pour les gens, les professionnels de l'animation, et est-ce que dans les médias, tu arrives aujourd'hui à avoir un peu plus d'ouverture de grands médias, on va dire entre guillemets, de radio, d'autres radios, de journaux, de. J'ose à peine imaginer télé. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps. C'est-à-dire que le travail qu'on fait, on donne un point de vue, on donne des points de vue sur le cinéma français, sur Je suis bien content. Et justement, on entame une autre logique de travail que celle qu'on avait d'implanter le festival sur le terrain, comme je disais. Et on commence, ouais, en effet, à avoir des médias qui s'y intéressent, des journalistes qui deviennent de plus en plus experts et qui s'y intéressent, qui abordent d'autres points de vue sur le cinéma, que le fait que ce soit sympa, que c'est chouette l'animation, voilà, et je pourrais en citer d'autres. Hein, et c'est de sortir, nous, notre ligne éditoriale, c'est d'être dire que l'animation, ça peut être aussi pour les adultes, qu'il y a d'autres techniques que le dessin animé, que le long métrage, il peut être français, il peut être européen, il peut être asiatique, mais pas que américain, même si on le présente aussi. Quand on le présente, on soutient pas ce cinéma, on soutient d'autres cinémas, mais on veut va être exhaustif, dans un certain sens de qualité. Et c'est vrai qu'on a eu des beaux articles dans les pages centrales de Télérama. On a été cité dans Le Monde. On a été cité sur différentes radios. Et voilà, c'est un travail qui va prendre le temps que ça va prendre. Mais c'est dans la continuité de ma réponse précédente. C'est-à-dire que les choses vont se faire comme ça et vont accompagner un mouvement et une découverte des spectateurs qui va se faire œuvre par œuvre et rencontre après rencontre avec les réalisateurs et les films. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est développer une culture. Et c'est là où moi je me considère, juste de façon très courte, pas comme un spécialiste de l'animation, même si je me spécialise de plus en plus, mais comme un amateur éclairé, pour faire le lien avec les spectateurs, toujours en me mettant plus du côté des spectateurs et de ce qui me plaît, pour essayer de garder une certaine fraîcheur, et pour transmettre cette fraîcheur et cette envie aux gens qui viennent au festival. Et voilà. Et donc c'est là où on est complémentaires tous les deux, et voilà, et ça fait plaisir avec quand des tu gens fais des choses comme ça. Qui ont plus, voilà. Merci beaucoup Yves, de toute façon on suivra toujours évidemment sur Bulle de Rêve, image par image, il y a plein de belles choses. On va faire une petite coupure pour permettre à tout le monde un petit peu, c'est l'hiver, de tousser, de faire la porte, etc. On va faire une petite coupure et je trouvais que pour introduire l'univers de Johanna, d'un seul coup je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre, tout en restant dans des vieilles chansons. Et donc j'ai pensé aux Rolling Stone, et donc on va mettre Get Out of My Cloud, enlève-toi de mon nuage, vous comprendrez après parce que les nuages ont un rôle important dans l'univers de Johanna. Donc, oui, non, donc j'ai tout réfléchi. Donc, Nicolas, on va bien écouter Rolling Stone. Merci. Imagining the world after. Then in fly the guy all dressed up like a Union Jack. Said I want 5 pounds of obvious kind of detergent back. I said, hey, hey you, yeah. You're out of my cloud. Hey, hey you, yeah. You're out of my cloud. See my daughter, the people ever watch, go to bed. And then he said, just cause you feel so good, you have to drive me out of my head. I said, hey, hey you, yeah. You're out of my class. Hey, hey you, yeah. You're out of my class. Hey, hey you, yeah. You're out of my class. Don't hang around, boy, do the crowd on my cloud, baby. Singing time for the British and the Saturday drive downtown. Cause it was so over a crowd of people, there was nobody, not a soul around. I leave my cell down, I was so tired, I started to dream. In the morning, the parking tickets were just like flags stuck on my window screen. I said, hey, hey you, yeah. You're out of my class. Hey, hey, you, yeah. You're out of my class. Hey, hey, you, yeah. You're out of my class. Don't hang around, boy. Do the crowd on my class. I said, hey, yeah. You're out of my class. I said, hey, hey, you, yeah. You're out of my class. I said, hey, hey, you, yeah. You're out of my class. I said, don't hang around, boy. I do the crowd on my class. All right, yeah. Et donc voilà, c'était les Rolling Stones, Get Out of My Cloud. Donc on va passer à Johanna Lurie, qui nous fait le plaisir d'être là. Il va rester pour la peine. Donc oui, il voulait peut-être, mais voilà, plaisir, mais comme il a découvert en effet l'univers de Johanna. Alors, Johanna, on va commencer rapidement. J'ai découvert quand elle faisait déjà elle était à l'MK, elle faisait des films. On va juste faire un petit retour en arrière. Ça t'est venu d'où l'envie? Parce que quand tu regardes, on regarde ton CV. Oui, il y a le CV sur le site, on donnera le nom du site de Johanna pour avoir plein d'images. D'ailleurs, si vous voulez, on peut le donner dès maintenant, comme ça, si vous êtes en même temps en train d'écouter. Johanna Lurie, c'est tout simplement joa2nalurie.com. Voilà. C'est ça, donc 3W.johannalurie.com, joa2nalurie.com. Comme ça, vous pianotez en même temps sur ce truc pour voir. C'est ce que fait Nicolas normalement. Il regarde sur internet et puis il regarde en même temps, comme ça, il peut voir. C'est une très bonne idée. Vous faites comme Nicolas et vous regardez comme ça. Voilà, vous allez avoir la parole de la réalisatrice et des images de ce qu'elle fait. Et quand on regarde, on voit communication visuelle, édition, pub, graphisme, photo noir et blanc en 2002. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, tu changes de registre ? C'est pas d'un seul coup. En fait, j'avais envie de faire de l'animation déjà avant la communication visuelle. Pour la petite histoire, en fait, j'ai passé mon BTS com pour faire plaisir à mes parents, qui m'ont dit tu feras ce que tu voudras de ta vie, mais il te faut un bac plus 2. Donc voilà, pour être tout à fait honnête. Et donc j'ai passé ce BTS en attendant qu'une chose, c'était de rentrer à l'MK. Et voilà, donc c'était pas une idée subite. Non, j'étais en attente en BTS et voilà, pour rentrer à l'MK après. Est-ce que les lettres plutôt que les dialogues, c'est-à-dire les mots plutôt que des dialogues dans les films, ça vient de là? Ça vient du graphisme? Ça vient de cette époque-là ou non? Peut-être un peu, ouais. C'est peut-être aussi parce que j'aime pas trop les voix narratives sur un film et j'aime bien les livres, l'édition, enfin l'illustration et je trouvais ça intéressant. Bah, je pense que tu penses à Under the Stone. Je trouvais ça intéressant de mélanger justement des mots avec des images et de faire une sorte de mélange de tout ça. Voilà. Et d'entre près du sol, il y a aussi. Oui, mais c'est vrai d'ailleurs. Oui. Non, j'ai bien fait mon travail, je les ai revus pour elle, bien sûr. Et dans les deux films, j'étais surpris. Au moment où tu as fait du graphisme, et en plus, il y a un jeu aussi avec les LED. Des fois, elles sont grandes, des fois, elles sont petites. Ouais, enfin, ouais. Tu joues beaucoup avec. Donc, Oui, mais ça, je pense qu'effectivement, ça doit venir du BTS com. Il restait quelques traces. Donc, comme quoi, c'est toujours bien, même quand on fait d'autres choses à côté, toujours garder. Enfin, avec du recul, je suis contente d'avoir fait ce BTS, même si quand je l'ai fait, j'étais vraiment pas dans le truc. C'était assez, c'était très laborieux. je comprenais jamais ce qu'on me demandait. Je savais jamais ce qu'il fallait que je réponde. Enfin, vraiment, c'était un BTS laborieux. Donc l'MK était. Et voilà, c'était vraiment. J'ai rencontré les gens de l'MK pendant ce BTS en fait, et je me suis dit mais ils sont géniaux ces gens. Je veux faire ce qu'ils font et voilà. Et du coup, ça a été un souffle d'air pendant ces deux ans de passer à l'MK, de faire des soirées avec eux, de me retrouver avec eux, de voir ce qu'ils faisaient à l'époque et voilà, c'était ma petite bulle. Jusqu'à ce que j'y rentre. Donc c'est ça, tu faisais les soirées avant d'y rentrer. Après, ouais. T'as travaillé. Pardon ? Après, t'as travaillé beaucoup quand t'étais à l'MK. Non, c'est parce que Marine est ouais. là, c'est une étudiante quand même, faut lui dire qu'il faut travailler. Oui. Puis les étudiants qui écoutent aussi, je leur dis faut travailler, donc. Ne t'inquiète pas, c'est pas une soirée d'un seul coup. Travaillé, oui. Ah, t'as travaillé puisque déjà. J'ai sorti quoi, 4 films de l'MK. Oui, c'est ça que tu rends. Comme ça, ouais. Moi, j'en ai 3. L'MK et puis l'MC. Avec l'MC, ça doit faire 4. En 2003, on a Moon Blues. C'est-à-dire que, tu te rappelles, au moment où t'es rentré, c'était extraordinaire quand il y avait des gens qui en parlaient. Mais toi, quand tu t'es mis pour la première fois devant une feuille pour dessiner, quand t'as eu tes premiers cours d'anime, c'était aussi merveilleux ou... Oh bah ouais. Oui, moi j'ai adoré, ouais. Ouais. J'ai essayé d'en tirer un peu le maximum. C'est pour ça aussi que je me suis mise tout de suite à faire des trucs, des petits bouts de machin. Qui ressemblait pas à grand chose, mais donc Moon Blues qui fait 1 minute. Voilà, ouais. Ça c'est pas fait dans le cas, enfin, c'est fait dans le cadre de l'MK, mais c'est pas un exercice particulier. C'est toi qui l'as fait pour toi? Non, pas du tout. C'est un film pour Canal J. D'accord. Donc qui a été pris diffusé sur Canal J. C'était une commande au départ, ça faisait partie des projets d'Annecy, donc Marine doit connaître ça, je pense que ça existe toujours aujourd'hui. Voilà. Mets le micro devant toi, Marine. Ouais, merci. et voilà, donc on a fait le film à deux avec Patricia Cortés et là c'était vraiment les premiers pas d'anime, c'est pour ça que c'est du papier découpé aussi, c'était un peu plus facile. Donc voilà. Le thème, c'était quoi, tu te rappelles, ou il y avait un thème à l'époque, ou c'était la lune, le ballon. La lune, ils l'ont fait après, donc je pense que c'est l'année dernière, ça. C'est ça, donc c'est quoi le ballon? Je me demande si c'était pas la discrimination, quelque chose comme ça. Donc rien à voir. Oui, parce que c'est un petit garçon qui perd son ballon, la lune récupère le ballon. Attends, oui, c'était un truc comme ça. Et le ballon est percé quand même, et la lune décide de se gonfler pour devenir un ballon et ensuite être donné au petit garçon. Je me souviens plus du thème exact, mais je me souviens par contre qu'on avait pris une bonne distance. En effet, vous faites Canal J toujours à l'MK ? Oui, toujours. Ouais. Toujours en deuxième année du cursus, qui est passé en 3 ans maintenant. Et nous, normalement, ça devrait être en mars. Voilà. En mars. En mars, oui. En fait, c'est sur un mois. Il y a plusieurs écoles d'animation qui ont un mois pour produire une minute de film. Et vous, c'est en mars, en fait, parce que là, je sais que nous, à l'ESAT, c'est déjà commencé. Donc, aucun spoil sur le sujet ou sur ce genre de choses. Nous, ça va se faire en mars. Voilà. Et vous savez pas le sujet ? Non. Si, vous le savez, le sujet, bien évidemment. Donc, le sujet est vraiment l'un des plus ridicules qui puisse être, qui est un anniversaire pas comme les autres. Ça, c'est un sujet intéressant. D'année en année. Oui, c'est de pire en pire. Pour ça, c'est bien de prendre une distance. Oui, c'est bien. Canal J, alors, une petite parenthèse, parce que vous allez dire, voilà, il persifle encore, il est encore mauvais. C'est une très bonne expérience, Canal J, au tout début. C'était vraiment très, très bien quand tu l'as fait, quand même, Jonas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prix, il n'y avait rien. Et en fait, les films étaient présentés sur Canal J et sur le site internet de Canal J. Et les enfants votaient. C'était tout simple. Et celui qui avait le grand prix passait sur l'antenne de Canal J à des heures très précises, etc., plusieurs fois. Et là, les gens de Canal J se sont rendus compte que les enfants avaient des fois des goûts. Ils n'allaient pas forcément vers le film le plus attractif pour vendre ensuite le projet. C'est-à-dire que c'était pas forcément le plus beau film, c'était juste le film qui leur plaisait le plus, qui se passait dans une cour de récréation, c'était fun, enfin voilà, il y avait un frère et une fille, enfin un frère et une sœur, etc. Et ils se sont rendus compte de ça, donc ils ont décidé de mettre un autre prix dessus, où là il y a de l'argent. Mais évidemment, c'est plus les enfants qui jugent, c'est un panel de professionnels, un vrai panel de professionnels. Ouais. C'est-à-dire, il y a un monsieur de Canal J, monsieur du CNC, de la SACD, des gens qui connaissent vraiment énormément bien l'animation, et qui regardent ça, et qui d'un seul coup vont donner un prix. Et c'est ce film-là qui va avoir en plus un prix de 5 000 euros. Assez important, voilà, 5 000 euros pour les étudiants. Donc, 5 000 euros, mais un prix qui doit être utilisé. Enfin, c'était les termes du contrat au tout début. C'était un prix qui devait être utilisé pour faire un film dans l'année qui suivait avec les mêmes personnes. Voilà, ce qui fait qu'il y a des écoles comme l'MK où il y a deux personnes. Enfin, au départ, c'était comme ça. Après, peut-être que ça a changé dans les grandes lignes, c'est un prix qui est donné par la Fondation Lagardère, donc composé du directeur des programmes de Canal J qui vient voir toutes les qui vient voir une partie des écoles et des productions pour donner des conseils, et d'un délégué de Lagardère. Donc c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose d'assez une bonne idée qui est transformée pour servir ensuite de communication malheureusement à la chaîne, et c'est un tout petit peu dommage parce que c'est vraiment une très bonne très très bonne initiative. Et maintenant il y a même des écoles qui le faisaient pas avant, évidemment, qui se disent 5 000 euros, ça vaut toujours le coup. Si vous voulez tenter aussi, vous aussi, des gobelins qui avaient jamais voulu le faire, évidemment, veulent le faire, enfin, etc., et tout le monde un peu d'un seul coup est lancé. La fin de la parenthèse, et nous revenons au parcours de Johanna. Alors, c'est drôle parce que donc il y a une minute et tu finis. Pourquoi il y a deux films à l'MK ? T'as Tout près du sol, Under the Stone, c'est deux films que tu fais à l'MK. Il y en a un qui est en fin de première année et en fin de deuxième année. Comment ça se passe ? Trop près du sol, c'est un film que j'ai fait sur 2 ans, en fait, qui a un peu traîné en longueur et qui est à moitié un film thérapeutique, en fait. Voilà. Il a mis plus de temps aussi, il m'a pris plus de temps à réaliser, vu que c'est l'anime traditionnel, donc j'ai pris mon temps. Et les décors, c'est des ombres chinoises, donc il y a beaucoup de photos, beaucoup de... Par contre, Under the Stone, c'est un film que j'ai fait en 2 semaines pendant les vacances. Et donc voilà, c'était t'as présenté les deux, parce qu'il y en a un qui doit être présenté, non, je suppose, il y a un jury final et Ah non, il n'y a pas de jury final à l'MK. En quelque sorte, si, c'est pas vraiment. Disons que quand je suis revenue donc de mes vacances avec Under the Stone, je l'ai montré donc à Christian Arnaud en lui disant voilà, j'ai fait ça pendant les vacances, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit mais il est bien ce film. Je le ramasse, je le prends et je le balance partout. Et il avait raison. Oui, oui, oui, ça lui a donné vraiment une vie de festival. Alors que moi au départ, je lui montrais ça en plus. Toute timide en lui disant bon c'est peut-être pas génial mais dis-moi ce que tu en penses. Bon, enfin, j'étais vraiment pas, je savais pas trop quoi en penser et voilà, c'est donc ça fait deux films d'MK. Alors ça c'est une super anecdote qui va se coupler à une autre anecdote que j'ai vue ce matin en regardant un DVD de Folie Images et qui prouve aux étudiants, c'est les étudiants qui nous écoutent, qu'il faut absolument montrer et faire plein d'essais de son côté et les montrer. C'est Laurent Pouvaret qui est maintenant directeur pédagogique à La Poudrière et qui était à Émile Cola à l'époque et qui dit qu'il était nul en dessin, mais vraiment nul en dessin, qu'il avait commencé à faire un dessin animé, que c'était une catastrophe, que ça marchait pas du tout, et qu'il a été à Annecy, et qu'il a vu à Annecy plein de choses complètement nouvelles, qui différaient complètement de ce qu'il faisait, et il a pris une semaine après Annecy pour se dire, bon, qu'est-ce que je viens de voir là, je me repose un petit peu, et pendant la semaine, il s'est dit, tiens, si j'animais des pattes, parce qu'il aimait bien les pattes, il s'est dit, voilà. Donc il a commencé à faire des essais pour ce qu'allait devenir nos adieux musicaux par la suite, et il l'a montré à son... il n'osait pas le montrer, exactement comme toi, il l'a montré à d'autres personnes, et d'un seul coup, il montre à la personne qui est son directeur, enfin qui est son responsable d'animation, son prof d'animation, qui est Jacques-Rémy Gérard à l'époque, donc directeur de Folle Image, et il lui dit, bah, vraiment traînant des un peu, tu vois, un peu comme toi, un peu timide, en disant, enfin, je vous le montre, mais je sais que c'est pas bon, hein, enfin, en tout cas, c'est pas du dessin, c'est pas. Et Jacques-Rémy Gérard dit, oui, t'abandonnes tout, enfin, vas-y, fonce maintenant, tu fais des trucs avec des pattes, tu t'en fous du dessin, on peut faire ça, et je trouve ça intéressant parce que, bon, toi, c'est pas une. Je pense qu'on sait jamais quoi penser d'un truc qu'on fait, en fait, c'est toujours un peu, on sait jamais comment va réagir les gens, enfin, comment, ce qui va se passer après, donc. Donc ouais, c'est un peu... Et puis Under the Stone, et je comprends, c'est que trop, par rapport à Trop près du sol, c'est vrai qu'Under the Stone marque déjà une vraie avancée dans le style, je sais pas si on peut appeler déjà un style Johanna Lurie, t'as fait, après ça, il y a trois films, mais il y a quand même en effet quelque chose d'assez particulier dans le film. On a déjà, si je dis pas de bêtises, hein, c'est... Non, dans Trop près du sol, on a déjà un rocher qui ouvre la bouche au générique. Qui avale une mouche, qui avale une mouche à un moment donné. On a déjà ça qui arrive, mais qu'un univers, bah, si vous connaissez pas, c'est vrai que c'est un peu difficile à décrire, mais qu'un univers avec alors, si je le dis comme ça, ça va paraître tellement, j'allais dire, avec des petites bestioles, et dans la nature. C'est toujours dans la nature, ça se passe toujours. Les films. Dans la nature, mais alors oui, on va se dire, oui, c'est un dessin animé, c'est un film d'animation, et ça. Eh ben non, c'est pas ça, c'est vraiment, la nature a pas non plus une forme complètement définie tout le temps, il y a beaucoup de décors qui restent avec beaucoup de vide, pareil pour les personnages, et en fait, on est beaucoup dans la suggestion d'un univers, et aussi bien dans le son d'ailleurs, que dans le graphisme. Donc Under the Stone commence à mettre quand même cet univers bien en place. Ouais. Avec toujours les mêmes teintes au niveau du décor, on commence à avoir... Ah, c'est vrai, oui, maintenant que tu me dis ça. Oui, oui, c'est vrai. D'accord. c'est assez marquant. C'est vrai qu'on a par la suite, entre Under the Stone, Transmigration qui va venir un peu après, même si tu le co-réalises. Il y a quand même une forte patte. En tout cas, si on voit Under the Stone et le silence sous les corps, c'est quand même une forte patte de l'univers Johanna Lurie. Est-ce que c'est une volonté? Parce qu'en fait, tu fais Trop près du sol. Under the Stone, c'est... On va parler un tout petit peu. C'est quoi comme technique? Pour Under the Stone, ouais. C'est plein de choses mélangées. Il y a de la 3D, il y a du Photoshop, du Painter, du volume, du flash. Il y a tout ce qui me tombait sous la main à ce moment-là. Et ouais, c'est un gros mélange. Et ça te paraît évident de passer... Ensuite à l'MC, qui n'existe plus maintenant, hein, qui était la branche informatique, on va dire, de l'MK, qui était la troisième année, si on voulait passer, alors que maintenant c'est en trois ans. Hein, Marine, l'MK est en trois ans. En fait, l'MC n'existe plus, c'est devenu l'MK 3D. C'est ça. Et c'est en train d'être évolutionné, puisqu'en fait, la formation 3D est intégrée à la formation 2D, et qu'il y a une spécialisation des étudiants à partir de la deuxième année. On a une première année de tronc commun d'apprentissage technique des deux matières, quoi. Et après, on a des passerelles qui se font entre les classes, mais on se spécialise en deuxième année. Et on fait le film de fin d'études en troisième année. D'accord. Donc toi, c'est parce que tu voulais pas quitter l'MK, donc tu fais l'MC en disant non, je veux rester avec eux. Non, en fait, au tout départ, je suis rentrée à l'MK avec l'envie de faire du volume. J'étais branchée volume, j'étais pas trop branchée dessin. J'avais envie de faire, voilà, de bosser avec des marionnettes et tout. Et la 3D, finalement, je me suis retrouvée un peu. J'ai retrouvé un peu ce plaisir du volume, même si, bon, la marionnette derrière un écran. Je retrouvais en fait mes pantins, mes marionnettes et les trucs qui me faisaient vraiment envie au début. Donc, non, c'était vraiment un choix, une suite logique et un choix réfléchi, ouais. Ouais, donc il n'y a pas de frustration quand tu passes, au contraire. Ah non, au contraire même, ouais. Parce que plein de gens dans l'animation de volume ou quoi, dès qu'on leur dit qu'il faut passer derrière l'ordinateur, j'ose à peine regarder Florentine, mais qu'il faut, normalement, c'est des insultes sur After, des insultes sur tous les logiciels possibles et inimaginables. Non, il n'y a pas de frustration. J'aimerais bien revenir au volume, parce que ça me plaît bien, mais il n'y a pas du tout de frustration, au contraire. Moi, j'aime bien bidouiller sur ordi, donc j'y prends assez plaisir. J'ai passé du temps sur After, tu sais, Alex. Non, justement, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, souvent l'ordinateur est de toute façon absolument indispensable. Oui, bien sûr. Quoi que ce soit en animation, je veux dire, j'ai souvent Paul Drissen, qui pourrait paraître comme le plus artisanal, en tout cas quelqu'un d'artisanal, fait toutes ses couleurs aujourd'hui, il est fait par ordinateur, comme il dit. Pourquoi je me priverais d'une palette aussi énorme que ce que peut me proposer l'ordinateur pour rester sur ma palette que je connais? Donc, je pense qu'aujourd'hui, plus le montage, bien évidemment, plus ensuite toutes les petites retouches, puis il y a plein de choses à faire, donc c'est sûr. Mais c'est vrai que souvent c'est difficile, je le vois aussi bien. C'est-à-dire des gens qui sont plus habitués au volume, qui sont plus habitués, ils le font, mais bien évidemment. Je pense mais que c'est avec une peur aussi. Une peur de l'outil informatique, une peur de pas réussir à maîtriser, pas réussir à retrouver ce qu'on fait d'habitude. Et finalement, une fois qu'on a bouffé toute cette technique, qu'on l'a digérée, la peur disparaît et le plaisir revient, en fait. C'est vraiment un apprentissage de technique. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi pour tous ces gens qui sont vraiment en volume et qui ont peur de passer à l'ordi. Sans parler du plaisir de toucher vraiment un personnage. Bon. Ça, c'est autre chose. Donc, on a Transmigration dont je viens de parler. Alors, t'apportes toujours, avant de passer, on passera en deuxième partie au Silence sous l'écorce. Toujours, je l'ai dit avant, beaucoup d'importance au niveau de la musique, qui prend en effet le pas sur. C'est-à-dire que le dialogue, il n'y a pas de dialogue, et souvent donc la musique, plus souvent ces incrustations de mots vont amener plus évidemment les personnages et la narration même. Tu travailles avec la musique avant, après, comment tu travailles, comment tu choisis? À la fin plutôt, en fait. Je commence à y réfléchir pendant le film. Enfin, c'est différent pour Le Silence sous l'écorce. C'est vraiment le truc, c'est que pour des films d'école, c'était compliqué et laborieux de faire des bruitages, et j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça, à vrai dire. J'aimais bien avancer assez vite dans l'image, et donc au fur et à mesure du film, je commence vraiment à écouter des trucs, à réfléchir à des ambiances de musique. Et en général, quand je colle à la fin, ouais, pas à la toute fin, mais un peu avant quand même, je colle la musique sur le film. Donc tu fais des choses que. Tu as fait des choses pour les trois films que. Enfin, pas pour Moon Blues, hein, je crois, je sais plus, il n'y a pas de musique pour aussi. Parce que c'est vraiment marquant dans les. La musique de. C'était qui déjà? Gadjo Dilo, quelque chose. Oui, exact. C'était La Chaudrome, c'était, voilà, tout à fait. Merci. Oui, donc tu fais quelque chose, en fait, sur les quatre films qui. Aujourd'hui, il y a eu un grand débat aux imagiciens notamment, et je pense qu'ils vont, les jeunes compositeurs français, dire de faire attention à tout ça, parce qu'en fait, tu prends des musiques qui sont... normalement, il faut payer des droits. Oui. Et donc, tu lances... J'ai eu les droits de ces musiques, en fait. Je les ai demandées, voilà. Après, j'ai pas eu les droits pour La Migration des Arbres. C'est une musique de Meredith Monk que j'aimais beaucoup, qui collait très bien au film et qui faisait vraiment 50% du film. Et là, pour le coup, je l'avais vraiment monté sur le film. Et quand j'ai demandé les droits, en fait, il y avait des. Fallait demander en Allemagne, aux États-Unis, à droite et à gauche. Donc j'ai écrit partout et j'ai pas réussi à les avoir. Ils me demandaient de payer une somme astronomique pour une étudiante. Et donc j'ai redemandé à un compositeur de faire une musique, donc de recomposer une musique par-dessus. Mais j'avais pas grand-chose pour le payer. Lui était très occupé. Et voilà, donc ça donnait la musique qu'il y a aujourd'hui sur ce film. Aujourd'hui, ça t'as dû faire le changement quand? Parce qu'au tout début. À la quand... fin de l'école, quand je suis sortie de l'école, ouais. Donc, quand on l'a vu en fait avant, c'est au moment de sortie d'école, on l'a bien vu avec la musique. Ben normalement oui, je sais pas. C'est ce ça. Que... Oui, oui, non, parce qu'il me semblait bien, non? Je sais. Tu l'as vu quand? Oh, c'était au tout début. Je me demande si je l'avais pas vu au. T'as trop imaginé. J'avoue que là j'ai un trou de mémoire. Ouais. Tu m'en demandes trop. Écoute, si tu te souviens du générique, j'ai changé le générique évidemment. C'est quand, ça. Donc, oui, donc oui. Je l'ai vu avec la musique. Donc de tu l'as vu avec la musique de Meredith Monk. Parce que ça m'avait marqué en effet. C'était. Ben ouais. Ben non. D'accord. Ok. J'ai pas réussi à avoir les droits. Donc comme quoi, faut quand même faire attention avant de choisir sa musique, surtout quand elle colle aussi bien. En tout cas. Oui. Et puis finalement, le film n'est pas sorti en festival, donc j'aurais très bien pu laisser cette musique. Mais bon, je suis contente de la musique de Denis aussi maintenant. Il y a aucun souci. Là-dessus. Non, c'est juste que j'avais pas pensé le film, j'avais vraiment pensé le film en fonction de cette première musique et je me suis retrouvée vraiment. Moi, j'étais un peu amère, à vrai dire, quand il a fallu la changer. Oui, je me doutais. Voilà. On va faire une brève coupure pour se reposer. On fera pas de coupure après, donc je vais changer un tout petit peu. Je suis désolé, on va supprimer, on verra si on peut attendre le mettre Otis Redding. On va mettre les Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, parce qu'elle est un petit peu plus courte. C'est surtout pour ça en fait. Hein, j'aime beaucoup Otis Redding, mais oui, je sais, mais 4 minutes. Ok, alors non, Nicolas. On va mettre Otis Redding, puisque Florentine veut Otis Redding, on va mettre Otis Redding, donc j'ai fait dans la facilité, hein, c'était Try a Little Tenderness, qui doit être la 18. Je te remercie. Donc finalement, Otis Redding pour Florentine, merci, c'est sa première. Merci. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. Oh, man, that. You know she's waiting. Yes. Anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier to bear. You won't regret it, no, no. Et voilà, c'était Otis Redding. On parlait tous dans le, on écoutait même pas, même Florentine, elle a eu son Otis Redding. Alors elle a bougé un petit peu quand même. Mais voilà. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va vite se dépêcher. On en était avec Johanna Lloris et Bulles de Rêve, bien sûr, sur Radio Libertaire. On parle bien évidemment de cinéma d'animation, d'image par image. L'expérience, il y a beaucoup de stages aujourd'hui, c'est de plus en plus, voilà, on fait de plus en plus de stages, c'est quelque chose, un passage obligatoire dans les écoles, on a toujours quelques mois de stages, etc. Qu'est-ce que, j'ai vu, c'est impressionnant, tu as fait Studio Image par Image, donc on en a parlé, Denis Vagabitz, Hardman. Ouais. Voilà, c'est Gromit et tout ça. T'as fait quoi sur le long métrage de l'animation. J'avais studio et mes marionnettes et ma caméra et j'ai fait de l'anime. Mais sur un cours des studios. Non, c'était des exercices. D'accord. Ouais. Wow. J'avais le chef anime derrière le dos qui m'a donné des exercices. Pas mal quand même. Voilà. On est tous après. Enfin, moi, quand j'ai lu Hardman, même impressionné. Ensuite, je suis bien content. Prima Linea. Donc ça, on a Studio Image par Image, voilà, Hardman, je suis bien content, Prima Linea, 4 stages, voilà, avant de pouvoir rentrer dans la vie... Dans la vraie vie. Dans la vie professionnelle, on va dire. Ouais. C'est, sincèrement, est-ce que c'est vraiment important ces stages-là? Ils t'ont appris quoi? Est-ce qu'ils t'ont appris de faire ton, comme on dit, ce mot horrible, réseau, en tout cas connaître du monde? La technique, qu'est-ce que ça... Ou non, au bout de 2 stages, tu aurais pu dire, allez, maintenant il faut que je rentre, mais c'était une obligation de toute façon de faire ces stages. Non, oui, c'était une obligation, mais je crois que je m'en suis un peu rajoutée aussi dans l'histoire. Non, sur le moment, j'aime pas le principe d'un stage en fait, parce que je me suis retrouvée à faire comme tous les stagiaires en général, à bosser avec des équipes sur des trucs qui sortent et à bosser longtemps et sans être payé. Ouais. J'aime pas trop ce principe là, j'ai galéré pour payer mes études déjà et en plus je me retrouvais à bosser gratos, ça me plaisait pas. D'un autre côté, c'est vrai qu'en sortant de l'EMK, j'avais déjà bossé du coup sur quelques trucs et ça donne un certain point en fait. Et ça c'est pas si mal. C'est vrai, le fait d'avoir bossé, je suis bien content en stage. Genre, voilà. Tu travailles en fait, ta première expérience est sur l'île à Lily. Ah, je suis bien content. Voilà, je pense que c'est pas pour rien que j'y suis retournée. J'avais bien aimé l'ambiance du studio et du coup, je les ai rappelés. Bon, ça faisait un petit moment que je zioutais aussi les premières images de Lila Lili, les premières animes de Lila Lili, les premiers décors. Et du coup, quand je suis sortie de l'EMK, d'ailleurs, je suis en sortant de l'EMC, donc ça, j'ai pas fait de stage d'EMC du coup. Et donc, en sortant de l'EMC, j'ai tout de suite rappelé Je suis bien content, leur disant. Oui, je vais travailler sur votre super série là. Et ils ont dit oui. De suite. Pas de suite, ils m'ont dit tu passes au studio. Et je leur ai dit ouais, mais je suis à Angoulême, vous pouvez pas m'envoyer un test là par distance. Non, tu viens. Et du coup, j'ai rencontré Fabien Limousin, donc le réalisateur. On a papoté tout ça et je suis repartie avec le test et je l'ai fait et ça va. C'est passé. J'ai appris After Effects sur le test d'ailleurs. C'était tout sympa. Mais voilà. Donc ça c'est quoi? C'est un an? Je suis pas content. Ouais, t'es resté combien de temps? Une petite année, peut-être 8 ou 9 mois, quelque chose comme ça, ouais. Et après tu repars sur Angoulême? Oui. À Spirit Animation. Donc à l'époque, j'avais mon copain sur Angoulême, donc j'étais OK, donc oui, c'était aussi bien. Sur Angoulême. C'était bien de retourner, ouais. Voilà, et c'est aussi parce que Spirit m'a appelé à ce moment-là en me disant voilà, on a le pilote de la Guillonie et on aimerait bien que tu bosses sur le truc. Et du coup, je suis revenue travailler sur donc le pilote du tableau. C'est une bonne expérience avec Jean-François Leguioni, ça. En fait, je l'ai pas vu beaucoup. Je l'ai rencontré au début, il est passé, il m'a dit une grande phrase très j'attends de vous que vous me fassiez aimer la 3D. Eh oui. Sur le moment, je n'avais jamais travaillé en 3D. Donc je suis restée un peu comme de ronflant à me dire mais c'est bon, voilà, qu'est-ce que ça va donner. Et il est reparti de suite, donc je le connais pas. Je sais pas qui est Jean-François Le Guillonni. Rapidement, est-ce qu'on a des nouvelles du long métrage? Alors vraiment, t'as 10 secondes. Ouais, je crois. Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il n'est pas fini, mais est-ce qu'il est arrêté? Parce que pendant un moment, il est arrêté, il n'y avait pas d'argent, c'est reparti. Il y a Chaillet, j'oublie son prénom, excuse-moi. Rémi, ouais. Qui lance le long avec toute la 3D. Non, ils sont en train de lancer ça sur Paris. Sur Paris. Et je crois qu'ils sont en train de ils font le casting voix aussi je crois en ce moment, ils sont en train de regarder. Non c'est parti hein, pour de bon. Okay. Et je sais que Jean-François Laguenie mène en parallèle un projet complètement personnel chez lui sur les 10 années à venir en autoproduction complète. Un long métrage seul. Ouais. Wow. En parallèle de. Impressionnant. Et en effet, il y a tout cet enjeu de la 3D pour maîtriser l'outil, ce que tu disais tout à l'heure, qui est vachement important. Il avait pas l'air très emballé à l'époque. Il devait être inquiet, quoi. Ouais. Oui, je pense que l'inquiétude, c'est pour beaucoup. Mais bon, c'était avant peut-être Azure et Asmar, et donc c'était avant que. Effectivement, ouais. Du coup, c'est vrai qu'avec Azure et Asmar, Oslo a montré que c'était tout à fait possible de maîtriser la 3D, quoi. Et. Revenons après, donc Jean-François Laguenie, Michel Oslo, Johanna Lurie. Et ensuite, parce que là c'est 2006, on est d'accord ? 2006. Moi c'est ce qui a marqué sur le CV. Oui, bah ça doit être ça alors. Et ensuite, il faut attendre donc 2009 pour la fin. On est en 2009, donc Le silence sous les corps se termine fin 2000. Qu'est-ce qui te donne envie ? Parce que là, il y a 2 ans où tu arrêtes de travailler et tu travailles que sur ton. Après le film de Laguenie, j'ai bossé sur une série qui s'appelle Grabouillon. Voilà. Donc c'était juste donc après, c'est d'accord. Ça m'a emmené, je sais plus jusqu'à quelle année. Pendant ce temps-là, tu travaillais ton court-métrage. Pas du tout. Non, je crois que j'en ai eu un peu marre de travailler en studio et j'avais envie de revenir en fait à quelque chose d'un peu plus personnel, de revenir à des films, à un autre univers, on va dire. Donc c'est pas l'envie du court-métrage absolument. Sur le coup, en tout cas, c'est plutôt l'idée de se dire je veux retourner à quelque chose où moi j'ai la parole. Oui, parce que j'avais pas de scénario en tête, j'avais pas de film en tête. Je me suis arrêtée en me disant je vais faire un film. Et je me suis retrouvée devant ma page blanche en me disant d'accord, mais lequel ? Et voilà, c'était vraiment pour couper en fait de la production où bon, ça va vite, c'est de la série, faut prendre 10 secondes par jour, voire 12. Et voilà, c'était pour revenir à quelque chose de plus lent et de plus créatif. Mais tu trouves un producteur de suite ? Comment ça se passe ? Parce qu'il faut. Non, il y a. Ouais. Heureusement qu'il y a les. Quand l'animation, on a un peu de chômage et qu'on peut toucher un petit peu. Ouais. Parce que comme ça nous permet d'avoir les courts-métrages, l'intermittence. Ouais. Non, mais en animation, encore vraiment beaucoup plus qu'en prise de vue réelle. Oui, on se rend compte à quel point c'est primordial. Oui, non, mais ça nous permet d'avoir plein de courts-métrages. On est souvent dans des pays dans le monde entier où il y a le. Le plus grand production de court-métrage, quoi, diversifié. Donc. Ben au départ, en fait, je comptais faire un court-métrage en 6 mois dans ma cuisine. Donc, j'étais pas du tout dans le truc de me dire que j'allais y passer deux ans comme ça. Je me suis dit bon, c'est bon, les autres je les ai fait vite, celui-là je vais le faire vite aussi. Mais j'avais quand même envie de l'inscrire dans quelque chose, enfin de le faire différemment, dans le sens où j'avais envie de déposer des dossiers, de voir ce que c'était que de faire un dossier, de voir ce que c'était qu'un producteur, parce que pour l'instant j'avais jamais eu affaire à un producteur. Et donc j'étais voir le producteur du coin. J'ai dit voilà, j'ai 3 images du film, est-ce que ça te branche ? Et voilà, donc j'ai signé avec simplement que ça. Science fiction, voilà. D'accord. Il a vu juste ces 3 images là. Ouais. Il y avait quand même une petite base de scénar, d'histoire, non même pas. D'accord. Il y avait tes films avant, il connaissait quand même. En fait, il avait déjà repéré mes films avant et si je lui ai raconté un peu l'histoire, mais je lui ai montré 3 décors et c'est pas grand chose de plus en fait. Et là, c'est un long fleuve tranquille ou ? Ah non. Non. Pas du tout. C'est mais... compliqué, c'est après on rentre dans. En fait, ça a pris un virage avec le festival d'Annecy. Où j'ai un pote qui m'a appelé un soir et qui m'a dit « Ouais, tu fais un court-métrage, tu l'as déposé au concours de projet à Annecy. » Je fais « Non, c'est quoi ?» Et il m'explique le truc vite fait. Il m'a dit « Mais c'est pour lundi prochain, on était vendredi. » Donc il me restait le week-end pour faire le dossier. Et j'avais ces 3 images et rien d'autre. Donc en un week-end, il a fallu que je fasse le storyboard, un dossier graphique et la totale, quoi. Et donc je me suis retrouvée à pondre mon dossier de 60 pages dans le week-end. J'ai posté tout ça, j'ai tout oublié en me disant c'est trop nul, ça marchera jamais. Et en fait, si. J'ai eu le prix du jury, ouais. Et donc je me suis retrouvée à présenter le projet devant une petite salle, enfin devant un public donc à Annecy. Et donc après, il y a des producteurs qui m'ont contacté, qui m'ont proposé de coproduire le film. Et voilà, ça a pris vraiment un gros virage à ce moment-là. Et avec les subventions qui sont tombées par-dessus, et voilà. Aujourd'hui, le film ressemble à ses 60 pages ? Ouais, oui. Ouais. C'est-à-dire, en deux jours, t'as pondu finalement, il n'y a pas besoin de te casser la tête pendant Il ressemble jours, dans le sens où il y a l'histoire et c'est quand même les mêmes personnages, les mêmes décors et tout. Mais dans la mise en forme, il est complètement différent. Enfin, quand je regarde le storyboard que j'ai présenté à Annecy, ça n'a rien à voir avec le storyboard que j'ai du film d'aujourd'hui, en fait. Il a complètement été retravaillé après, enfin, évidemment. Voilà. Évidemment, le temps passe vite, comme toujours. C'est la base même du temps, c'est qu'il passe vite. Comment t'as travaillé le son cette fois-ci? Puisqu'en effet, t'as travaillé avec des gens qui ont. Là, t'avais vraiment des gens à ta disponibilité dès le début du film. Enfin, voilà, c'était. Alors, comment ça s'est passé ce travail avec le son? La musique, son musique ou juste. Les deux. Les deux. Fais les deux en même temps. Question musique. Donc, c'est Michel Korbe qui a fait la musique. Que je connaissais pas du tout, en fait, Michel. Et c'est mon copain qui m'a dit à cette époque-là, ouais, il y a un super musicien qui traîne autour de l'Air Dux, là. Il s'appelle Michel Korbe. Il faut que tu fasses ton film avec lui. Et tout, voilà. Et donc, il a accepté de faire la musique du film. Et en fait, jusqu'à la fin, ça a été un échange d'idées. Je lui ai écrit un gros pavé sur ce que je voulais en lui disant, voilà, je veux de la musique, mais je veux qu'elle soit silencieuse. Et j'aimerais vraiment une gestion des silences et quelque chose de très, comment dire, aéré et tout. Et donc, jusqu'à la fin, ça a été un échange comme ça d'idées et de. Il y a un gros travail. Et au niveau du son. Au niveau du son aussi, au niveau. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi. Ouais, ça a été un gros travail aussi. Donc, c'est Christine Webster qui a fait le son. C'était pas évident parce que elle a beaucoup aimé le film, elle a flashé sur le truc, mais les sons que j'écoutais dans mon petit casque minable d'ordinateur ne ressemblaient pas, enfin, ça ressemblait pas du tout au son que je voyais sur le film, et donc il y a eu une petite prise de bec comme ça sur le film où je disais, mais non, les arbres qui grincent, on dirait des chaises qui grincent. Et vraiment, je comprenais pas, en fait, ces sons. Et jusqu'à ce que je les écoute, en fait, que j'aille chez elle, que je les écoute, qu'on travaille toutes les deux, du coup. Et là, voilà. On les entend, d'accord. On s'est mis d'accord sur le son, vraiment papotant. Et elle a fait un joli travail, vraiment, là-dessus. Ouais. Alors je dois tout vous dire, normalement vous savez que je mets toujours des sons et j'ai eu comme souvent avec moi, j'ai eu un problème et ce matin il passait mal, en fait j'ai pas fait mon enregistrement hier parce que normalement vous auriez dû avoir en effet du son voilà des films de Johanna, j'en mets toujours et puis ce matin je sais pas pourquoi ça c'était saccadé et donc c'était absolument terrible et donc malheureusement on pouvait pas mais on va redire le site de toute façon de Johanna et puis vous allez tendre. Dernière question, parce que je sais que là, Florentine commence à s'impatienter et se dire « Mais je vais plus avoir de temps, c'est pas possible. Il m'a demandé de venir, mais pour rien. » Comment on fait pour, dans sa tête, pour passer de 4 minutes, 3 minutes 30, 3 minutes 30 à 12 minutes? Tout simplement parce que le film devait pas faire 12 minutes. D'accord. Il devait faire 6 minutes au départ. Okay. Voilà. Et les producteurs ont rien dit, c'est ça, ils ont dit tiens, non, bah oui. Les producteurs ont été très. 10, 12. Ils m'ont vraiment laissé du début à la fin. Bon, on a bien retravaillé le scénario. J'ai eu vraiment des conseils de Christian Folle. Donc de l'art d'une voilà, il a été vraiment de manière assez. Avec plein d'humour et tout. Il m'a pointé des problèmes de scénario, en fait, et bon, je l'ai retravaillé avec lui, mais à côté de ça, j'ai vraiment ils m'ont laissé tranquille. J'étais assez autonome, en fait, sur le film, et j'étais à Angoulême en atelier dans une asso qui s'appelle Café Creed. J'ai fait le film là-bas et j'étais dans mon truc, et du coup ils m'ont pas embêté, on va dire. Bon, bah c'est une bonne voie à suivre, Marine. Par la suite, tu fais l'MK et puis après, t'es parti. Et puis, faut noter, donc l'Art Dux, c'est bien. On a pas assez de temps, malheureusement. Il y avait d'autres choses à dire. Est-ce qu'il y avait quelque chose que je ne t'ai pas fait dire et que tu voulais absolument dire? Oh, que je voulais absolument dire. Tu t'es dit, oh, il faut absolument que je dise ça, sinon c'est pas possible. Non. Non, rien. Non, t'as non. Encore. Allez, 5 minutes, on va pas faire de pause musicale, on mettra Lucy in the Sky pour générique. Quel plus beau générique. Ça tombait bien avec Johanna, en fait, je voulais mettre par rapport à Johanna. Au début, on avait donc Get Out of My Clouds, hein, on était dans les nuages, Get Out of My Clouds, des Rolling Stones, et on finissait par Lucy in the Sky with Diamonds. On était tout à fait dans un univers comme ça, très onirique et très beau. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui sont dites dans les films. Regardez-les vraiment sur le site de Johanna. On est pas, comme d'habitude, à ce micro, j'ose. Ben, on rentre pas forcément dans les détails des films parce que tout le monde n'a pas vu les films, donc c'est toujours difficile en animation de rentrer dans les détails. Mais il y a des choses très très belles. Vous allez voir pourquoi les nuages sont si importants et pourquoi il y a ce côté vraiment très, enfin, très très beau. C'est un très très bel univers et je vous conseille d'aller voir donc J-O-A-2-N-A-L-U-R-I-E. De toute façon, vous tapez ça sur Google et puis ça va passer. Et je fais monter un peu l'angoisse pour Florentine qui se dit c'est moi là, il va s'arrêter. Non, est-ce que c'est moi? Et donc nous écoutons pour la première fois la boucle de rêve Florentine Grelier qui va nous parler la quatrième que... de l'agenda. Oui, mais d'abord t'es en direct et tu parles de l'agenda, donc ça change tout. Oui, je vais rapidement reparler de l'agenda donc jusqu'à notre prochaine émission qui sera le samedi 27 février. Voilà. Yves a déjà parlé de quelques rendez-vous, mais je vais les refaire à peu près dans l'ordre. Et on commence de toute façon lundi 25 janvier avec une séance aux Cieux des Ursulines sur le cinéma indépendant chinois d'animation. Donc tu vas nous en dire deux mots. Oui, parce que je la présente. Enfin, je la présente. C'est un laser qui s'appelle Tsungzun et Pi Animation Studio. Faut absolument venir le voir. C'est très rare. C'est aux Cieux des Ursulines. C'est à 20h. C'est 5 euros. 6 euros. Plein tarif. 5 euros. Tarif réduit. On en parlera un petit peu après. Il y a quelqu'un qui sera avec moi pour parler vraiment. Moi, je parlerai plutôt de l'animation mondiale et ce qu'il fait. Ça ressemble à du Kentridge pour ceux qui connaissent. C'est très politisé. C'est super intéressant. C'est vraiment le communisme aujourd'hui, voir comment il le voit. C'est un artiste à la base, un artiste peintre, mais pas comme beaucoup d'artistes qui reprennent l'animation et qui en font absolument n'importe quoi et qui se foutent de l'animation. C'est un peu comme Kentridge, justement. C'est quelqu'un qui prend l'animation et qui fait des choses. C'est un peu ardu, hein. C'est pas évident. C'est des choses qui font 7 minutes. C'est pas forcément super bien animé comme on le connaît. Mais il y a une force qui est assez étonnante dans ces courts-métrages. Donc, à voir absolument. Les deux Ursulines, 10 minutes, 10 courts-métrages, 60 minutes, et c'est à toi. Oui, donc ensuite, on a le vendredi 29 janvier, c'est l'avant-première de Yona, la légende de l'oiseau sans ailes de Rintaro, en sa présence, donc suite d'un documentaire et d'un débat avec le réalisateur. Alexis prend la tête. Ça n'a pas l'air beau, hein. Mais c'est un grand réalisateur. C'est une séance qui était sur réservation, donc si vous voulez y aller, il faut appeler le Forum des images. Rintaro, c'est toujours bien de le voir, de voir d'écouter ce qu'il a à dire. Donc, oui, c'est un grand monsieur quand même. Et si vous pouvez aller à l'avant-première, je pense que c'est une bonne chose. Ensuite, on a le Festival Ciné Junior, donc qui commence à partir du 3 février, comme Yves l'a dit. Il y a beaucoup d'animations, comme d'habitude, au programme. Donc il y aura My My Miracle, il y aura le dernier Yamamura, un thème sur. Excellent, absolument à voir. Il y aura des programmes sur le cirque, sur le cinéma russe, tout ça. Donc toujours beaucoup de choses dans ce festival. Et promis, je la laisserai parler à un moment donné ça, mais il y a plein de raretés de cinéma russe. Et c'est vraiment intéressant d'aller les voir, qui passent très rarement. Voilà, ensuite on a la carte blanche du Forum des images, dont on a déjà parlé. Il se passe beaucoup de choses au Forum des images. Donc le mardi 9 février, avec Sunao Katabuchi. Donc ça en parallèle avec le festival Image par Image. Voilà, du 11 au 13 février, on a un spectacle sur Norman McLaren au théâtre de Chaillot. Donc c'est une performance, chorégraphie, enfin un dialogue avec ses films. Donc je pense que ça sera assez intéressant et c'est bien que l'animation comme ça aille au théâtre. C'est une bonne chose. Ensuite, donc Image par Image commence le 12 février. Et enfin, pour l'agenda, il y a les tout petits cinémas du 20 au 28 février au Forum des Images. Donc c'est un festival de 18 mois à 4 ans. Mais dans la programmation où il y a des ateliers, des ciné-concerts et beaucoup de choses, dans les ciné-concerts, il y a des raretés comme alors ça s'appelle Petit Trésor du Soleil Levant. Donc il y a des films rares de pionniers japonais. Il y a aussi La Petite Fabrique avec de l'animation polonaise. Donc ça, je pense que nous, plus grands, on peut aller jeter un coup d'œil. Après, il y a toujours un problème pour les horaires. Oui. C'est que souvent, ces horaires-là sont les horaires, le mercredi à 14h ou ce genre, ou le samedi, des fois, ou à 11h le matin, c'est pas évident. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir la bande-annonce de Sabine Itier et Émilie Rimetz, donc, qui correspond tout à fait au festival et qui est très, très mignonne. Et elle Sabine est sur qui fait partie de. C'est vraiment un petit monde. Hein, elle est sur le site du Forum des Images. On en parle aussi sur Food Anime. Donc voilà, vous pouvez aller la voir. Forum des Images ou Food Anime, on en a souvent parlé. Voilà, c'est ça. Et donc ensuite, pour les petites choses. à dire en plus, je voulais souligner l'initiative donc de Tsuka Marc Aguès qui a une émission maintenant sur No Life tous les 15 jours dans l'émission 101%, et c'est une émission donc qui parle que d'animation avec des focus sur des réalisateurs, des news, et bon c'est très bien parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'émission 100% animation à la télévision. Donc c'est vrai que No Life c'est une chaîne qu'on a avec Freebox, avec, dans les box, etc. Il faut se renseigner, mais de toute façon Marc met en ligne ensuite ses émissions, donc là il a mis la première en ligne et la prochaine c'est le 3 février après 19h, donc à ne pas rater. Très bonne initiative, voilà. C'est très, oui. Par contre, faut que vous sachiez, c'est très animation, comme ce qu'il fait sur son site, très animation japonaise, oui, ça, ou très animation. Ça reflète ses envies. Voilà, j'aime pas dire ce mot-là, mais assez gobelin Katsuka, et assez, voilà, genre de choses. Mais c'est évidemment une très très bonne émission. C'est intéressant, effectivement, donc sur katsuka.com, son site, vous pourrez retrouver la première émission en ligne. Et ensuite, je voulais dire que le festival de l'AFCA a enfin donc une date et un lieu précis. Donc, ça sera à Bruges, à côté de Rennes, du 14 au 19 décembre 2010. Donc, ça faisait longtemps qu'on attendait voir où est-ce qu'après Auch, où et quand ça se fera. Et donc, je souhaite bonne chance à l'équipe de l'AFCA pour préparer le festival. Voilà. Et une dernière petite annonce. Donc, je fais partie d'une association donc d'initiation au cinéma d'animation à Nimtic, et on fait des ateliers de grattage sur pellicule le mercredi soir, ouverts à tous. C'est 40€ le trimestre, c'est pas très cher, et ça vous permet de vous initier donc justement au grattage de pellicule. Donc, venez nombreux et venez voir sur notre blog pour avoir un peu plus d'informations. Donc, c'est http://animtic.blogspot.com, donc animtic c'est A-N-I-M-T-I-K. Voilà. Et si vous voulez des renseignements ou si vous voulez transmettre n'importe quoi d'agenda, oui, à Florentine, il y a une adresse mail maintenant. Oui, alors l'adresse c'est emissionbdr@gmail.com. Émission BDR, tout attaché, en minuscule, @gmail.com. Et moi, je voulais dire qu'on avait une histoire d'amour entre le cinéma, faut quand même que je le dise, en effet, entre le Festival d'Annecy et Radio Libertaire, puisque l'année dernière, au comité de sélection du court-métrage, c'était, et j'ai un trou de mémoire, notre ami... Non, Radio Libertaire, Laurent Vailleur, il est sur France Inter, Laurent Vailleur, c'est très bonne merde. Non, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Yves? Mais c'est n'importe quoi ou quoi? J'ai un trou de mémoire, quelle horreur! Olivier Catrin? Mais non, de Radio Libertaire. Oh là là, qui fait une émission de cinéma aussi. J'ai honte, excuse-moi si tu nous écoutes. J'ai honte, absolument. Et il était au comité de sélection des courts-métrages l'année dernière à Annecy. Et le Festival d'Annecy m'a demandé cette année d'être au comité de sélection du court-métrage. Donc, il y a eu deux représentants de Radio Libertaire qui seront chaque année, et je vois sa tête. Et il va me détester, j'en suis absolument désolé. Merci beaucoup à Yves, merci beaucoup à Johanna. J'aurais dû commencer par Johanna, donc je recommence. Merci beaucoup à Johanna, merci beaucoup à Yves, merci à Florentine, merci à Marine d'être passée. Tu viens absolument quand tu veux. Et donc, on va finir, ça va être notre générique de fin, par Lucy in the Sky in Diamonds des Beatles. Merci beaucoup. Et donc, à dans un mois pour un nouveau Bulle de Rêve. Merci, merci. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People.